big frenzy jerking you around. Now that we're just stuck in our skin, a combination resumes in a human being. When I hear, I'll tell you why. Bonsoir chers auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, l'émission Mavrika tous les vendredis à partir de 19h et on est ensemble pour 3h, donc jusqu'à 22h si vous faites bien le calcul. Donc aujourd'hui c'est l'édition numéro 517 et vous savez dans l'émission Mavrika ce qu'on aime c'est recevoir des artistes dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Donc ce soir ben on va recevoir un invité, il est déjà là, donc pour ceux qui ont suivi sur Facebook vous savez déjà puisque on l'a déjà affiché depuis quelques jours. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, vous pouvez aller sur Facebook et puis aller justement voir ou alors attendre quelques minutes qu'on le présente. La semaine dernière, nous avions fait une émission spéciale sur Johnny, donc des événements qui auront lieu. Il y en a un qui a lieu ce soir, donc avec JB Tattoo. Qui reprend donc les faces B de Johnny Hallyday, les chansons qui sont pas forcément les plus connues, mais qui mériteraient d'être un peu plus connues. Donc ce soir, il y a justement un événement qui est consacré à Johnny Hallyday, et il y en aura un autre qui sera le 19 novembre. Donc aujourd'hui, donc nous avons un invité ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. La semaine prochaine, nous en avons d'autres. C'est un groupe qui s'appelle Celtic Reich qui sera présent dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, et la semaine d'après, donc si je calcule bien, ça devrait être le 16 septembre, nous allons recevoir une artiste. C'est aussi un rapport avec Johnny Hallyday, c'est une ancienne choriste de Johnny Hallyday. Elle s'appelle le nom il est parti, ça y est, je l'ai oublié, je vous le dirai tout à l'heure, il n'y a pas de souci. En tout cas, ça vient d'être prévu il y a quelques jours, et donc elle sera ici dans les studios de Angéline, voilà, c'est Angéline Anonier, voilà. ça m'est revenu tout d'un coup. Angéline Anonier, qui était une ex-choriste de Johnny Hallyday, elle a aussi chanté avec Michel Sardou et elle sera ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour nous présenter son projet. Voilà. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, il y a un invité. Alors, c'est une personne qui vient régulièrement dans l'émission depuis quelques temps. On a toujours autant de plaisir à la recevoir et à découvrir sa musique. Vous savez que dans la région orléanaise, il y a beaucoup d'artistes différents, avec des styles différents. Et aujourd'hui, on va écouter donc un style, le style de Yavanna. Elle est là dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et cette émission lui est consacrée. Il y a un clip qui est sorti, un single qui est sorti, un album qui est sorti. Elle va nous parler de tout ça. Restez avec nous jusqu'à 22h dans l'émission Mavrika. Alors depuis le début de l'émission, on a écouté déjà plusieurs morceaux. On a écouté Jimmy Sugar avec une chanson qu'on avait diffusée déjà la semaine dernière. Donc c'est Au revoir Johnny. Et juste avant, c'était Jekyll Wood avec Who You Are. Juste après, on va écouter un groupe. Je vous le présenterai après, vous verrez pourquoi. Studios de Radio Arc-en-Ciel et on vient d'écouter un groupe, les morceaux étaient très rapides. Il s'agit de RNC's avec un morceau qui s'appelle You Can Shake et on va accueillir donc notre invité. C'était la petite surprise parce que les RNC's c'était la première fois que tu es venu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, dans mon émission en tout cas. C'était dans l'émission des RNC's qu'ils étaient venus ici nous présenter un peu leur travail. Et donc, Yavanna est notre invitée ce soir dans l'émission Mavrika. Ça va, Yavanna ? Ça va, bonsoir à tous. Le temps que je règle le micro, une mise au point au départ pour que le son sorte bien. Et puis là, je pense que c'est pas mal. Donc, alors, ce soir, tu es venue. Alors, la semaine dernière, quand j'ai rendu l'antenne, on ne savait pas encore que tu allais venir cette semaine. Parce qu'il n'y avait personne de prévu, tout simplement. Et tu m'as envoyé un petit message en disant, ouais, ça serait bien que tu passes un petit morceau. Et puis, j'ai dit, écoute, la semaine prochaine, j'ai personne. Donc, si tu veux venir dans l'émission, justement, c'est l'occasion de nous rappeler un petit peu ton projet et puis aussi de nous parler pour ceux qui te suivent depuis quelques temps de parler aussi de l'évolution depuis l'année dernière puisque oui, c'était à peu près à la même époque dans les souvenirs Facebook c'est ça donc Yavanna alors que s'est-il passé depuis septembre de l'année dernière? Il y a eu beaucoup de choses. Ça va être dur de faire la liste. Alors juste déjà par rapport au RNC's, j'en fais un gros bisou parce que c'est vrai que c'était une belle découverte pour moi. Puis à l'époque j'avais aucun projet, je venais de sortir un titre, mais c'était voilà. Donc gros bisou à eux. Et donc depuis l'année dernière, qu'est-ce qui s'est passé? Si vous voulez voir un petit peu l'historique, je vous invite à aller sur les réseaux sociaux, mais je vais pas avoir tout en tête. Le principal qui s'est passé, c'est que j'étais venue faire la promotion de Possédé avec toi, donc un titre qui parle d'épilepsie. Depuis, l'album s'est mis en forme. Il s'appelle Orientation. À l'époque, il avait pas de titre. Maintenant, il s'appelle Orientation parce que je m'aperçois que tous les titres, en fait, sont les chemins que j'ai pris dans ma vie pour en arriver là, entre guillemets, que ça soit des bons chemins ou des mauvais. Donc le premier titre du coup de cet album Orientation, c'est Possédé, le titre qui parle d'épilepsie, qui a été écrit en pleine crise d'ailleurs d'épilepsie. Ensuite, j'ai sorti La tête dans les étoiles au début de l'année. Ensuite, il y a eu Juste chanter, parce que voilà, j'explique un petit peu que moi je veux pas être une star, je veux juste chanter. Et puis le titre qui vient de sortir, il s'appelle Tempo et c'est un escape game vidéo. Je vous invite à le regarder parce que c'est assez fort d'avoir un escape game vidéo. Normalement, on les vit, voilà, mais il y a plein d'indices cachés. Donc, si vous voulez mener une enquête un peu de folie sur tout ce qui est Osiris, l'Égypte, la porte des étoiles, voilà, je me suis amusée. D'accord. Donc, c'est un clip qui est sorti il y a pas très longtemps. Oui, il est sorti le... Alors, j'essaye de jouer avec les dates cette année. Il a dû sortir le 22 août 22. Voilà, 22-08-22. J'ai joué avec le 2 et le 8, puisque je suis née le 2 août, en fait. Et donc, tous mes clips sont en rapport avec cette date-là. Voilà. D'accord, très bien. Donc, ce que je propose, c'est qu'on écoute déjà le premier morceau, alors. Oui, donc Tempo, qui vient de sortir. Je cherche une place dans ce monde. J'écris, je cherche qui je suis. Suis-je trop sensible pour être ici? Ou alors juste peut-être que le métronome a déraillé. Tic tac tic tac. J'écris pour me démarquer de ces différences qu'ils sont créées. En voulant trop m'éloigner d'eux, jugement, mépris pour m'isoler. Si le travail est silencieux, j'évite de rester étouffé. Mes textes aux refrains muselés ont fait de moi leur prisonnière. J'ai pris car je suis trop à l'étroit. Les trois quarts sont en désaccord. Ma musique semble en désaccord. J'ai pas trouvé le manuel. Expliquez-moi comment on s'accorde. Moi j'ai pris une autre direction. Choisi mon orientation. On m'a dit faut que tu fasses attention. Trop grandes sont tes ambitions. Mais je suis pas dans le même tempo. Je suis pas dans le même tempo. Je suis pas dans le même tempo. La vie c'est passe à quatre temps. Dans la gueule je marche à l'envers. De verre en verre j'écris l'histoire d'une héroïne qui remplit sa vie d'étoiles filantes pour rester seule. Et puis c'est peut-être mieux comme ça. Je suis pas sur la même longueur d'onde. Je vois défiler tout ce que j'aime. Avance rapide vers d'autres mondes. Je suis pas dans le même tempo. Moi j'ai pris une autre direction. Choisi mon orientation. On m'a dit faut que tu fasses attention. Trop grandes sont tes ambitions. Mais je suis pas dans le même tempo. Je suis pas dans le même tempo. Je suis pas dans le même tempo. Non, je suis pas dans le même tempo. Moi j'ai pris une autre direction. Choisi mon orientation. On m'a dit faut que tu fasses attention. Trop grandes sont tes ambitions. Je suis pas dans le tempo. Voilà, le titre Tempo, c'est notre invité de ce soir de l'émission numéro 517. Yavanna, elle est dans les studios et donc on a commencé par ce morceau-là. Alors ça, c'est un morceau qui est sorti il y a très très peu c'est, de temps. C'est là, c'est le 22, on est combien? Parce que moi, forcément... Ouais, on est le 2 septembre déjà. On est 2 septembre, donc, ça tu vois, une, ça va vite. Une dizaine de jours. Voilà, voilà, c'est ça. Et donc vous pouvez le retrouver sur l'ensemble de, des plateformes streaming, YouTube, etc. Enfin, la routine, quoi. Voilà. Alors, toi, tu as une manière un peu particulière de travailler, parce que c'est toi qui écris les textes, c'est toi qui fais les musiques, c'est toi qui fais le montage finalement studio, tout ce qui est studio, c'est-à-dire en fait, les enregistrements, tout. Tu fais voilà. tout de A à Z, et jusqu'au clip vidéo. C'est ça. Alors les clips vidéo, tu te fais aider parfois avec des... J'ai Steve que j'ai rencontré ici aussi, mm-hmm. qui m'aide, donc Steve Ashprod. J'ai mon amie qui est ma manager, technicienne, caméraman aussi, qui m'aide beaucoup sur les tournages, mais le but, c'est d'avoir une idée de création dans la tête et de l'aboutir, mais que ça reste une idée de création et non pas un business. Voilà. Parce que j'ai pas envie de dépenser de l'argent, j'ai pas d'argent à dépenser là-dedans et j'ai pas envie d'en gagner non plus. Donc voilà, ce que je gagne, c'est vraiment pour pouvoir acheter du matériel des fois ou autre, parce que bon, quand on fait ça tout seul, il faut quand même être équipé un minimum. Mais je veux pas gagner d'argent avec tout ça et je veux pas en perdre non plus. Tu veux pas que ce soit une contrainte non plus, que ce soit un métier. Par exemple, si jamais du jour au lendemain tu as du succès et puis on te propose de faire une tournée, tu le ferais ou... J'ai déjà eu des propositions en 2017 avec l'album Retour à l'essentiel qui avait fait un carton aux États-Unis, en Russie, etc. Avec plus d'un million de streams, mais ça m'intéresse pas en fait, parce que ce que j'explique d'ailleurs dans le titre juste chanté qu'on entendra tout à l'heure. Je veux juste chanter. Voilà, je veux pouvoir mettre en place ma création, la faire parler, la créativité, mais c'est tout. Parce qu'à partir du moment où ça devient un métier ou autre, un métier c'est quand même une contrainte. Même si on aime notre métier, faut se lever le matin, faut faire ses objectifs. Enfin voilà, même si on n'est pas des commerciaux, on a quand même des objectifs. C'est pour ça qu'on travaille. J'ai pas envie. J'ai envie vraiment que ça reste. De l'art-thérapie, j'appelle ça, voilà. C'est vraiment pour nettoyer mes énergies, mais hors de question que ça devienne une contrainte. Je veux que ça soit ma porte de sortie à chaque fois que ça va ou ça va pas, voilà. Mais je veux que ça reste des énergies pures et non pas de l'argent, surtout pas d'argent là-dedans. D'accord. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que justement, il y a beaucoup d'artistes qui en font leur métier. C'est vrai que c'est un métier qui est pas évident, parce que bon, après ça dépend à quel niveau on le fait. Il y en a certains qui font beaucoup d'enregistrements, très peu de concerts. D'autres, ils tournent tout le temps. Il y en a certains qui passent pas forcément dans toutes les radios, mais qui tournent sans arrêt. Donc ils sont connus justement par le bouche à oreille, en disant voilà, ces artistes-là, on les a vus en concert. Donc d'autres personnes ont envie d'aller les voir. Et donc ça peut être très contraignant. Au niveau des horaires, au niveau de la vie de famille, au niveau de plein de choses. Au niveau de tout, ouais. Ouais, effectivement, c'est pas évident. La vie de famille, c'est très dur quand on est un artiste signé, derrière, d'avoir une vie privée. Mm-hmm. Je voyais une vidéo de Matt Pokora l'autre jour qui passait, qui était complètement déçu de ses vacances à la mer, parce que dès qu'il sort, le pauvre, avec son gamin qui est né il n'y a pas longtemps... tout le monde sort les téléphones portables et c'est le harcèle. C'est la rançon du succès. Alors, il dit, ça fait partie du package. Moi, je suis complètement d'accord avec lui. Si tu signes, t'es au courant. Mais, justement, c'est pour ça que je veux pas signer. Parce que je veux pas qu'on me reconnaisse. Déjà, l'autre jour, je vais à McDo, j'étais reconnue. Je vais à Decathlon, j'étais reconnue. Je suis une toute petite artiste, moi, au niveau d'Orléans, etc. Mais malgré tout, quand on chante, eh ben, on est un peu reconnu de temps en temps, voilà. Rien que quand je fais un concert, quand tu vois tous les téléphones levés et qu'ils sont en train de te filmer, les gens. Ils partagent sur les réseaux sociaux. C'est ça, il y a mais en fait, tu sais même pas etc. ce qui va se passer. Ouais. Regarde, je te prends un exemple. J'ai fait une conférence Épilepsie France. J'étais en train de chanter Essie avec des si, après une conférence vachement lourde en émotion, puisque chacun avait fait son témoignage, etc., sur l'épilepsie. J'oublie les paroles de la chanson, le début de la chanson. J'étais en train de chanter, d'un coup, je sais plus les paroles. Alors que c'est une chanson que j'ai peut-être chantée 200, 300 fois en concert. Ouais, mais ça, avec l'émotion, des fois, ça se comprend voilà, aussi. Non, mais, voilà, et ben, si t'es un artiste à la Matt Pokora, à la Jul ou Soprano, j'en sais rien, t'es en concert, t'oublies tes paroles. Bah, derrière, c'est 2 ou 3 mois de honte sur les réseaux, tu vois. C'est... Ouais. Donc, non, mais c'est vrai. Ouais, mais on oublie souvent que ce sont des êtres humains comme les autres. C'est ça. Et que des fois, ils ont aussi des problèmes, des choses comme ça, dans leur famille. Et sur scène, ils jouent un rôle, quoi, finalement. Ils doivent être l'idole que tout le monde attend. Et donc, c'est vrai que c'est pas toujours évident de jouer ce rôle-là. Alors, il y en a certains qui le font pendant de nombreuses années. Il y en a d'autres, ils le font pendant un court moment. Et puis après, ils reviennent à une vie un peu plus normale, entre guillemets. Mm. Mais bon, après, ça dépend des gens, de la conception de la musique. Il y en a certains, la tournée, c'est leur vie. Et d'autres, ils préfèrent rester un peu dans leur famille, quoi. Voilà. C'est ça. Très bien. Et en plus, c'est vrai que ça doit être un petit peu embêtant d'être reconnu en tant que célébrité plus que par son propre travail. On parlait, par exemple, il y a des gens, on sait tout de leur vie privée, alors qu'en vérité, ça nous regarde pas vraiment. Mmh. Et à côté de ça, par exemple, c'est un acteur, on sait même pas quel dernier film il a fait. Par contre, on sait que sa petite amie est ceci, cela. Hein. Donc, il y a tous les potins qui vont autour. Donc, c'est vrai que ça peut être c'est un peu... C'est du business. Et c'est, comme je dis, fait, l'argent, ouais. Ça m'intéresse pas. Je suis déjà banquière au quotidien. L'argent, j'en manipule, je conseille plein de gens. Donc, ça me fait très plaisir d'accord. De les conseiller. Mais ça reste du conseil, voilà. Mm-hmm. Parce que je... Ouh, voilà. Y a quelqu'un qui s'est cassé la figure. Quelque chose qui est tombé. C'est pas bien grave, il n'y a rien de cassé. Voilà, donc non, mais c'est important. À partir du moment où tu fais un business de ta créativité, bah, t'es plus dans le tempo. Voilà. C'est vrai tu que tout ce qui est métier artistique, c'est quand même quelque chose de particulier parce que on fait ça déjà pour se faire plaisir, on fait ça pour faire plaisir aux gens et tout ça. Et je pense qu'il faut avoir envie de faire ça. Et puis le fait que ça devienne un métier, c'est un petit peu compliqué. Alors moi, il y a une personne bah, que tu connais sûrement, les Burning Heads. Qu'on écoutait tout à l'heure le. Ben c'est ma famille. Hein. Voilà, je sais. Et JB qui était venu ici m'avait dit voilà, on va pas citer l'artiste, mais il dit voilà, moi j'ai des artistes parce que lui JB il travaille aussi dans les événements, il met en place les scènes et tout ça. Ouais. Et il m'a dit une fois il y avait un artiste qu'on citera pas hein, ce soir, mais qui avait dit bon allez, il va falloir que j'y aille au Turbin, il va falloir que je joue ce soir pour tous ces cons. Donc je pense que quand on arrive à ce niveau-là, il faut peut-être un petit peu arrêter de faire la musique, parce que la musique, soit on le fait parce qu'on aime ça, ou soit après, si on fait ça pour l'argent, c'est pas vraiment terrible. Enfin bon, après il y a beaucoup d'artistes, heureusement, qui font ça avec leur cœur et ça se ressent. De toute façon, il n'y a pas de souci. Hein. Bah ce qui marche de nos jours, je pense. Alors bon, t'as tout le côté hip-hop où voilà, enfin là ils ont créé. Ils ont éduqué les jeunes à leur manière, donc tant mieux, ça marche pour eux. Mais après, ce qui, je pense, marche, par exemple, c'est Vianney qui écrit des chansons pour les autres. Alors, t'as les interprètes, un interprète, c'est un acteur. Et puis, t'as les gens un peu de l'ombre, justement, qui font juste leur créativité, qui proposent des textes à des producteurs ou autres. Et après, c'est eux qui font la partie business. Et je pense que c'est pas mal d'avoir ce fossé. Du coup, ça évite que l'artiste, il perçoive directement le truc. Mais après, c'est un autre monde dans lequel je veux pas forcément aller. Moi, je suis bien dans mon petit studio. À la base, c'est pour gérer une maladie. Alors, c'est pas vraiment une maladie, mais je suis autiste Asperger. C'est pas non plus de l'autisme. De toute façon, Asperger, tu peux lui donner tous les noms aujourd'hui. HPI, TDAH, ou j'en sais rien. Enfin bref. De toute façon, Asperger, c'est un besoin de créativité énorme. Et moi, je fais juste tout ça, en fait, pour pouvoir lâcher ce qu'il y a dans le cerveau, tu vois. Sinon, je deviens folle, moi, personnellement. Donc, c'est vraiment... toi, c'est la créativité. C'est de l'art thérapie. De toute façon, vous ne vous retrouverez pas forcément dans mes chansons. Certains s'y retrouvent, et tant mieux. C'est des textes voilà, qui parlent surtout de ma vie. J'ai du mal à parler d'autre chose. Hein. Voilà, j'écris pour pouvoir lire et pour pouvoir comprendre. Tu vois, à la base, c'est ça. Après, j'ai fait des clips parce que j'adore la vidéo. À la base, je voulais aussi faire de la musique pour faire de la vidéo. Et puis, je sais pas, j'ai balancé ça à Énergie, à France Bleu et ainsi de suite. Et puis, ça monte, ça fait... Tant mieux si certains se reconnaissent. Mais à la base, c'était pas pour ça. J'ai juste testé, tu vois. J'ai juste dit, bon, allez, ce titre-là, il est sympa. On va l'envoyer aux radios, on va voir ce que ça donne, tu vois. Et puis, bah, à force... Vous voulez faire un concert par-ci, par-là. Ah ouais, c'est bien les concerts. Ouais, je kiffe et tout, tu vois. Et puis ça a donné, voilà, au bout de 6 ans, je suis encore là sur la scène orléanaise et c'est très plaisant. Mais je vais être honnête avec vous, ceux qui me connaissent, ils entendent plutôt tous les jours, je veux arrêter. Voilà. Yavanna, en réalité, elle passe son temps à dire « je veux arrêter ». Parce que je crois que c'est plus fort que toi, il faut que tu continues quand même. En fait, c'est pas de ma faute. À chaque fois, voilà, on m'envoie. Là, il y a un DJ qui m'a envoyé un super titre. J'étais obligée d'accepter d'écrire dessus. Il est magnifique. Le titre, il s'appelle Connecté. Il sortira bientôt. Et au moment où je voulais arrêter, bon, j'arrive pas à arrêter. Mais c'est fatigant, tout ce qui est concert, promotion, etc. Quand on est tout seul. C'est vrai que c'est le côté fatigant, par contre. Voilà. Ouais, c'est pour ça qu'il faut souvent être entouré. Et puis, il y a des gens qui s'occupent pour les dates et d'autres pour les enregistrements, etc. Et là, il faut payer les tourneurs, community après, managers, c'est un métier, etc. C'est l'entreprise. Moi, je peux pas, quoi. Voilà, c'est une entreprise. C'est là où il y a le fossé, où ça s'arrête. Et après, on a beaucoup de passionnés. J'en reçois beaucoup ici. Des gens qui sont pas forcément professionnels, hein, qui sont amateurs, qui gagnent un petit peu d'argent en faisant quelques concerts, des choses comme ça, pour leur... Souvent, ils sont montés en association, c'est pour faire fonctionner leur projet. Et donc, ils doivent tout gérer, les dates, les concerts, les affiches, tout quoi. Donc, et c'est vrai que c'est beaucoup de travail, mais bon, quand on a la passion et qu'on a envie, bon, ils le font pendant quelques années. Et il y a même certains groupes qui durent depuis pas mal de temps. Et après, il y a beaucoup, on connaît bien dans ce monde-là, il y a des gens qui atteignent le succès, et puis après, ils se lassent un petit peu, et puis après, ça rechange. Voilà. Mais on connaît aussi beaucoup de musiciens qui se lassent un petit peu de leur projet, ils laissent tomber, et puis après, on les revoit dans un autre projet, et ainsi de suite. Donc, comme quoi, quand on est musicien, je crois que c'est pour la vie, après. Hein. Bah, c'est ça. Il y a 2 ans ou 1 an, je sais plus les dates exactement, mais tu vois, je voulais arrêter, puis je suis partie dans la collaboration télévision, enfin bref, dans l'audiovisuel. Télévisuel, oui, je voulais dire ce mot-là, ouais. Mais bon, bref, voilà. Et du coup, je suis montée sur Paris avec des émissions de télé où on avait Gilles Verdez en invité. Tu vois, c'était un autre monde. Mmh. C'est de la création vidéo pour la télé, mais j'ai beaucoup aimé aussi. Là, je vais partir aussi sur faire des clips pour d'autres artistes. Puis tu le disais tout à l'heure, effectivement, je suis pas en indé. En fait, j'ai monté Kalin Productions, c'est un label associatif. Et donc, effectivement, le label gagne des sous, mais c'est pour pouvoir réinvestir dans d'autres projets derrière, pour pouvoir louer des salles, du matériel. Oui, etc. Les associations, souvent, voilà, c'est ça, hein, c'est l'argent qui tourne. C'est pas pour gagner des sous. De toute façon, je pense que à notre niveau, en indé, si t'as pas été connu un minimum avant ou que t'as pas percé avec un truc. C'est très difficile de nos jours de gagner des sous en indé. Bon courage à ceux qui veulent se lancer là-dedans, parce qu'il faut quand même avoir fait un gros buzz pour attirer le public. Parce qu'entre les algorithmes qui te limitent, entre tout le business qui est fait, qui est super bien ficelé pour pas que justement t'arrives là-dedans et puis que tu dises « Coucou, c'est moi et je remporte le pactole », tu vois. Mmh. Tout est très bien ficelé pour pas que... des petits artistes se développent tout seuls. Donc voilà, c'est pour ça. Moi, je ne cherche pas à battre le dragon. Je fais ce que j'aime. Je balance. Ça plaît pas. C'est pas grave. Au moins, les gens qui te suivent pour ce que tu es. Et pas merci pour ceux qui me suivent, d'ailleurs. Parce que y a des fois, il y a certains artistes qui se retrouvent, ils ont signé, donc ils sont obligés de faire tel style, ils font un truc. Ouais, mais au bout d'un moment, ils se retrouvent à faire quelque chose qu'ils ne voulaient pas faire au départ. Et finalement, oui, mais ça se vendra. Ce que tu fais, non, ça se vendra moins bien. Donc voilà, après, ils sont un petit peu prisonniers. Et toi, tu veux garder justement cette liberté au niveau de la création et pouvoir continuer à faire tes chansons à toi. Donc c'est ça le plus important. C'est ça. J'ai envie de faire un titre à 180 BPM de tempo, un truc complètement loufoque, et puis le lendemain faire du 60 BPM. Alors, désolé, on parle en BPM, c'est le tempo des battements par minute. Voilà. Ouais, tout à fait. 180, c'est très très très boum boum boum boum, boum, mais 60, c'est plutôt la musique dance, c'est autour des 130, c'est ça. Hein. Ouais, et après la musique cool, c'est en dessous des 80, mais pff, voilà. Même jusqu'à 100, on est c'est sur encore, du 80. Voilà, des choses comme ça. Ouais. Voilà, rock et tout ça, et puis après tout ce qui est très très électro, ça peut aller jusqu'à 180 facile. Et voilà, j'ai envie de pouvoir faire ce que je veux. Si le matin j'ai une musique dans la tête et que je veux la composer, je vais être libre. Je veux pas qu'on me dise ah bah non, ça va pas. Tant pis si ça va pas, en fait, c'est pas grave. Il faut laisser parler, faut se laisser parler et faut s'écouter surtout. C'est important, s'écouter et se trouver. Mmh. Voilà. Très bien. Donc, une des premières chansons qui t'a fait connaître, c'était Je suis SOS. Ouais. Je suis SOS. Alors, pourquoi ce titre? C'est qu'à l'époque, on était dans Je suis Charlie, Je suis un tel. Tu voyais Facebook ouais, avec les tous gens, les avatars. Se reconnaissaient, je suis. Et moi, j'ai mis « Je suis SOS » parce que je pense qu'on a tiré un signal d'alarme à l'époque en termes de politique, en termes de tout un tas de choses. C'était en 2016, 2015 de mémoire. Et le monde a... Il y a eu une grosse fracture à ce moment-là. Et moi, j'ai dit « Oulala, SOS, SOS, ça va plus ». Faut qu'on s'écoute, parce que c'est bien de s'écouter, de se trouver, mais faut qu'on se trouve collectivement aussi. Et puis j'ai écouté une instrumentale, et là, les paroles, elles sont venues, j'ai dit, oh, c'est beau ça. Bon, ben, on va l'enregistrer, puis c'est cette chanson que j'ai balancée à toutes les radios, y compris Énergie, et même Énergie a validé et m'a diffusée, quoi. Donc, bravo, je suis SOS, et puis je lance encore le SOS parce que c'est pas terminé, on s'éloigne tous de plus en plus les uns des autres. Donc, SOS, hein, l'union fait la force. On va écouter tout de suite ce morceau. J'avais un rêve, jamais je n'ai osé, de peur qu'on me relève après m'être effondré. Ceux qui est sûr. Voilà, donc on a écouté deux morceaux à la suite. D'abord un premier morceau de Yavanna, notre invité de cette émission numéro 517. Et juste après, on a écouté, c'était Je suis SOS. Et à l'instant, c'était l'avis de Monsieur Alex Lebaille, qui était présent dans l'émission Maureka il y a quelque temps et que tu connais parce que tu as fait des scènes un peu avec lui. Voilà. Oui, tout à fait. Il y a un jour, il m'a contacté, il m'a dit. Je fais une scène à Châteauneuf, ça dirait de venir. Je dis bah écoute, ouais, avec plaisir, il y a pas de souci. Surtout que Châteauneuf, c'est une des villes où je vais souvent. Et puis voilà, très belle rencontre. C'est un beau garçon, il chante bien. Voilà, je trouve qu'il a tout pour réussir. Il y a pas de souci. Après, juste Alex, si t'écoutes, fais pas des promesses en l'air, parce que ça, à une femme, c'est dangereux. D'accord, donc le message est passé. Ça, après, nous on rentre pas dans les détails, voilà. En tout cas, voilà, Alex Lebaille, on lui fait un petit coucou s'il nous écoute. Et puis de toute façon, il reviendra sûrement dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour la suite de ses aventures. Voilà, on a écouté Je suis SOS, donc le morceau qui t'a un petit peu lancé, hein, on va dire ça comme ça. Oui, tout à fait. Depuis, tu en as fait d'autres. Alors tu es à combien d'albums actuellement? Je sais que depuis SOS, il y a 93 chansons qui ont été écrites. Alors, ouais. Elles sont pas toutes sorties parce que je peux pas tout faire non plus. Mais ma réalité, c'était l'album où il y avait Je suis SOS, donc 2016. Ensuite, on a eu Retour à l'essentiel où j'ai remis Je suis SOS dedans, un petit peu plus officiel. Donc ça, c'était le deuxième album. Retour à l'essentiel qui a vraiment le plus marché, qui a été commercialisé même chez Auchan, etc. Ensuite, on a Étoile contraire qui est sorti en 2020, où il y a des titres phares comme Tranquille, Tout donné, Ma dernière page, on les entendra tout à l'heure. Et le prochain album qui devait sortir cette année, Orientation, c'est un petit jeu de mots avec Orion et Orientation, voilà. Ceux qui me connaissent comprendront. Ceux qui ne connaissent pas, venez, vous comprendrez, c'est génial comme truc, bref. Donc ça, c'est l'album qui devait sortir cette année, mais on est en septembre. Je n'ai pas enregistré la moitié des titres parce que j'ai été overbookée cette année. J'espère pouvoir le sortir en fin d'année, mais je pense qu'il sera plutôt 2024. Il vaut mieux prendre son temps, voilà. Et sortir vraiment ce qu'on a envie de faire, plutôt que se précipiter, justement, quand tu es professionnel. Des fois, tu as aussi des dates butoirs. Donc, le morceau est à moitié écrit, il va falloir que tu l'enregistres, il faut courir sans arrêt. Et puis finalement, tu sors quelque chose en réfléchissant. Si c'est trop précipité, des fois, tu dis, ouais, ça serait maintenant, je ferais différemment, etc. Donc, il y a toujours des regrets. Alors que quand tu prends ton temps, tu dis, là, je crois que, bon, j'ai bien réfléchi, j'ai fait le tour, tout est bon, je valide tout. Et là, tu sors quelque chose dont tu es beaucoup plus fier, en tout cas. C'est ça, tout à fait. Donc, je vais prendre le temps de faire bien les choses. Très bien. Au niveau concert, comme tu fais aussi quelques concerts de temps en temps. Alors, moi, je vois les photos. Hein, ils apparaissent assez régulièrement sur le fil d'actualité sur Facebook, par exemple. Donc, je regarde un petit peu. C'est pour ça que j'avais vu que tu connaissais Alex Lebaille. T'as fait beaucoup de concerts cette année ou ça se Cette année, c'était énorme, en fait. D'accord, suite au Covid, peut-être. Ah, j'en sais rien. Avec le Covid. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé. Je peux pas. Si tu veux, c'est ça qui m'a toujours étonnée dans ce que je fais, c'est que à partir du moment où je commence à créer, à balancer un clip, deux clips, trois clips, les concerts arrivent en même temps. Les radios. Tu vois, comme c'est un concours de circonstances que je sois là, mais la place était libre, tu vois, au moment où je sors mon truc, tu vois. C'est tout le temps comme ça. Ça aurait pas été là, ça aurait été plus tard. Termes de promo, c'est moins bon qu'à la sortie d'un titre, tu vois. Ouais, c'est beaucoup mieux. Hein. J'ai eu je sais pas combien de journaux aussi, d'articles de journaux cette année. Enfin, c'est une très très belle année. 2022, déjà que 2021 c'était ouf, mais 2022, c'est énorme, vraiment c'est énorme. Les concerts, je pense qu'on est à une quarantaine cette année. Alors, aux yeux du public, ça paraîtra peut-être pas beaucoup, mais aux yeux d'une Yavanna, 40 concerts, c'est énorme. Ça veut dire pratiquement un par semaine, hein. Et c'est déjà beaucoup, et surtout qu'il y a eu des très belles choses. J'ai fait Jargeau-Plage, j'ai été sélectionnée. C'est pas rien d'être sélectionnée à Jargeau-Plage. Il y a eu le Corso Fleury aussi à Donnery, c'est des gros événements. J'ai chanté à Paris pour la première fois de ma vie. J'ai chanté à Radio Armada, qui est une grande radio à Paris. En fin d'année, je chante au Dropkick. Dropkick, qui est super. Tu vois l'orientation du Dropkick. C'est très rock, métal, etc. Yavanna, la petite hip-hop d'Orléans, elle va venir chanter au Dropkick, quoi, dans la magnifique scène qui est en bas. Donc voilà, ça c'est le 18 novembre d'ailleurs pour la date. J'ai chanté aussi dans des endroits magnifiques comme l'Arboretum des Bars avec Épilepsie France. Je suis devenue marraine d'Épilepsie France. Donc si tu veux, c'est 2022, c'est juste une année waouh. Voilà. Bah tant mieux alors si tout se goupille bien comme il faut. Voilà, il y a des fois des périodes de la vie où on a l'impression de pas avancer. Et pour toi, 2022, donc c'est tout s'enchaîne bien, tout va bien, beaucoup de concerts. Ouais. Donc on va parler déjà des concerts qui sont passés. Est-ce qu'il y en a certains qui t'ont marqué beaucoup plus que d'autres? Alors, faut savoir qu'un concert, déjà cité quelques-uns, hein. Un concert, même si ça se voit pas forcément, mais c'est là où c'est problématique pour moi. J'adore, mais c'est dur à vivre. Voilà, c'est dur à vivre. Donc, ils me marquent tous les concerts, parce qu'au moment où je suis en train de chanter, la plupart des chansons, je les écris en pleurs, et donc ça fait remonter les émotions. Par exemple, quand je chante Possédée, qui est une chanson qui parle de crise d'épilepsie, il y a un concert au Corso Fleury, je chantais Possédée, j'ai fait un bug. Mais j'ai continué à chanter, je sais pas comment. Mais voilà, c'est assez fort en émotion. Donc je me souviens de tous les concerts. Après, ce qui m'a le plus marqué, c'est Jarjo Plage. Je vais t'expliquer pourquoi. Jarjo Plage, tu vois, quand tu, en tant qu'artiste, tu te dis waouh, il va y avoir une super scène, il y a du public de dingue, il y a des belles lumières, super ingénieur du son. Ok, il y avait tout ça, pas de souci. Je commence à 10 minutes avant de chanter, la pluie qui tombe. Alors qu'on était en pleine canicule, ouais. Tu sais. Donc la pluie qui tombe, déjà t'as la moitié du public, tu le vois partir. Ok, bon, c'est pas grave. Ensuite, tu vois les lumières qui étaient avec des sacs poubelles, et eh ben elles restent avec des sacs poubelles. Donc t'es sur scène, t'as la moitié du public qui est parti, t'as la flotte qui tombe, t'as peur pour ton ordinateur, tu vois, et ton matériel que t'as rapporté. T'as les sacs poubelles avec toi sur la scène. C'est catastrophe, voilà. Franchement. Ouais, mais bon, ça, il y a des choses qu'on peut pas prévoir à l'avance, et ça, je crois non. Que en termes même... vidéo, je te jure, il y a des amis qui m'ont filmé, rien diffusé de Jarjo Plage. Tu sais, normalement, c'est une belle promo, c'est une belle scène dans le casting, n'importe quoi, dans le CV d'un artiste, Jarjo Plage, waouh. Ah bah, moi, j'ai rien diffusé du tout. Donc oui, ça m'a marqué, voilà. Et en très positif, c'est tous les concerts que j'ai fait au début d'année dans les bars. Diabolomante, Darlington, Radio Armada à Paris. Je préfère vraiment les concerts où on est 20, 30, 40 plutôt que les gros trucs parce que c'est beaucoup moins de stress et c'est du partage. Moi, je suis vraiment... Tu vois, la musique, on disait en début d'émission, l'argent, business, non. Eh ben, musique égale partage. Donc, musique égale 30-40 personnes maximum. Je veux pas plus. Les stades, c'est pas pour toi, alors. Non, stade, zénith et tout ça, vous oubliez, c'est pas la peine. D'accord, mais bon, des fois, si le nombre des personnes qui te suivent augmente sans arrêt, au bout d'un moment, tu seras bien obligé de faire ça. Oh, je sais pas. Faut mettre de l'argent pour faire de la promo et je pense pas que... Mais par contre, à tous ceux qui sont en train de m'écrire, là, parce que j'en ai quand même quelques-uns qui sont en train d'écouter, ne vous inquiétez pas, parce que je reçois des messages depuis tout à l'heure. Je n'arrête pas la musique. Ouais, j'ai pas dit ça. Les gens s'inquiètent parce que tu avais dit que ça revient assez souvent. D'ailleurs, je t'ai déjà entendu, moi, le dire. Oh, j'ai peut-être arrêté parce que... Et finalement, non, t'as toujours quelque chose qui te pousse. Oui, hein. Même si des fois, t'es un petit peu lassé, ça revient. Au bout d'un moment, si tu laisses un petit peu se calmer les choses, tu dis, il y a quand même un manque. Je crois que la musique, c'est pas un manque. C'est qu'il y a toujours un truc qui tombe et qui fait que ça continue, tu vois. En ce moment, je veux ralentir, et ben ça s'accélère. J'ai la communauté de communes de tout ce qui est Nogent sur Vernisson et tout ça qui me prêterait leur salle qui est toute neuve de spectacle gratuitement, qui viennent de me le dire là. C'est-à-dire que si j'ai un spectacle, je peux être résidente dans une ville avec une super salle. j'ai rien demandé, moi. Tu vois, moi, je voulais arrêter de me proposer des super trucs. Mais tu veux pas arrêter. Arrêter de me proposer des super trucs, parce que je peux pas arrêter quand les projets sont géniaux. Tu vois ce que je veux dire? En plus, c'est plein de vie, la musique. C'est des super rencontres. Comme je dis, c'est du partage et j'en ai besoin. Ça, il n'y a pas de souci. Mais tout ce qui est vachement stressant, de passer 2 heures à te maquiller, te coiffer, pour juste aller faire 10 minutes d'interview télé ou de faire un concert, de stresser, puis arriver là, il va y avoir 5 ou 10 personnes et que toi, t'as stressé toute la journée parce que tu crois qu'il va y en avoir 300, tu vois. C'est tous ces petits trucs de stress. Ah ouais, mais c'est du stress. C'est ça que je vais arrêter. Ça fatigue beaucoup. Et moi, je sais que ça m'est déjà arrivé, hein, je reçois beaucoup d'artistes ici, beaucoup de groupes, et ça m'est déjà arrivé d'aller à des concerts où c'était carrément un bide. C'est-à-dire qu'au niveau personne, hein, je parle, hein, je dis pas que les artistes étaient mauvais. Ils étaient très bons. Et ce jour-là, il y a personne. Ou alors, les conditions sont pas réunies, c'est-à-dire il y a d'autres concerts en même temps. C'est en hiver, il fait très froid, les gens ils veulent pas sortir. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte. Hein. C'est ça. Alors des fois, je vais là-bas, je dis heureusement que j'ai été parce qu'il y avait pas grand monde et ils étaient contents de me voir. Et bon, tout s'est bien passé, etc. Et quelques temps après, je retrouve le même groupe ou le même artiste dans d'autres conditions. Et là, par contre, c'est la folie, c'est la fête et tout ça. Comme quoi, il faut jamais se décourager avec un concert qui se passe mal. Il y a plein de choses qui peuvent entrer en jeu. C'est pas forcément l'artiste qui est pas bon. C'est que ce moment-là, c'était pas le bon, quoi. C'est ça, ou alors t'as Kenji qui est en train de faire un concert dans la ville d'à côté, tu vois. Ouais, il y a des trucs comme ça, ouais. Donc, des fois, il suffit qu'il y ait un grand artiste qui passe à côté. Ben, tout le monde va avoir ce grand artiste-là. Et puis, on oublie un petit peu les artistes locaux qu'on a la possibilité de revoir après. Donc, voilà. Donc, mais comme je dis, alors moi j'ai été déjà surpris, des fois même des artistes internationaux, des gens qui font des tournées dans l'Europe entière, les États-Unis et tout ça, qui sont venus dans des petits bars où ils étaient tout seuls. Ouais. Moi j'ai déjà assisté à un concert où il y avait moi et l'artiste. On était tous les deux. Ouais, ça arrive. Mais c'est des moments. Il a continué quand même à faire son truc. Et à la fin, je lui ai pris son CD et puis il me l'avait dédicacé en me disant merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et lui, il a continué, il a dit il y a un gars, je chante pour lui. Donc et on avait passé un moment formidable parce que le gars c'est un super artiste, mais il est reconnu dans l'Europe entière partout. Mais là, sa date elle avait mal été la pub n'a pas été faite comme il fallait ou ceci cela, donc il y avait pas grand monde qui était au courant que ce grand artiste là était dans, bon, je le cite pas, hein. Je préfère pas, je le garde pour moi, mais en attendant, pour moi c'est un grand artiste. Voilà. J'ai vu aussi des concerts où il y avait, par exemple, l'artiste commençait à jouer, il y avait moins de 10 personnes, et puis il joue un morceau, deux morceaux, trois morceaux, et puis après il dit écoutez, merci de vous être déplacé, mais je vais pas continuer le concert parce que je suis un peu fatigué. Et il nous a offert un CD à chacun, il dit vous m'écouterez chez vous. Et puis voilà, donc tu vois comme quoi il y a des trucs. Bon, c'était pas le jour. Non, et d'autres fois, tu te dis le même groupe, le même machin à un autre endroit, c'est une belle scène. Et là, il y a le monde qui est là, et puis ça marche. Il y a une magie qui se passe. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile de l'atteindre, mais bon, donc il faut pas se décourager. T'as ceux qui sont plutôt style lounge un peu, tu vois, c'est assez calme, puis il y a ceux qui mettent l'ambiance aussi, tu vois. Moi, c'est pour ça que avant j'étais pas pour faire des titres dansants ou mettre l'ambiance, puis j'ai dû écrire des titres comme Tranquille ou Tout donner, voilà, ou La tête dans les étoiles, où je chantais. Maintenant j'en ai beaucoup plus parce qu'en concert, bon, bah oui, je chante. Et si avec des si possédés, c'est des titres où tu peux même pleurer, tu vois, tellement c'est triste comme texte. Et puis, à force de voir les gens, beaucoup d'émotions en concert, j'ai dit, on va les faire bouger un petit peu. Puis ça marche bien. Mmh. Franchement, ça marche bien. Très bien, on va écouter un petit peu de musique encore, oui. Parce qu'on parle beaucoup, hein, on a c'est pris vrai plein de choses. Parle beaucoup. Mais c'est bien, moi j'aime bien, justement, on remplit bien parce qu'on a plein de choses à dire, on découvre plein de choses dans l'émission Mavrika, c'est pas seulement diffuser de la musique, on essaie de faire la radio un petit peu à l'ancienne, puisque aujourd'hui, il y a même plus besoin d'animateur, on met ça dans un ordinateur, ça diffuse à la suite, il y a beaucoup de radios qui font ça comme ça, et nous aussi on le fait quand il y a personne, mais quand il y a quelqu'un, on aime bien discuter avec les personnes. Le côté partage, le côté rapport humain, ça c'est très important sur Radio Arc-en-Ciel et on continuera à avoir cet esprit-là aussi longtemps que durera Radio Arc-en-Ciel et l'émission Mavrika en tout cas. On va écouter donc le morceau qui s'appelle Une autre vie. Alors Une autre vie, oui. Ouais. Tu veux nous en parler ou tu nous en parles juste après ? Une autre vie, je l'ai enregistré à l'époque, donc il fait partie de l'album Retour à l'essentiel, donc un des albums qui a le plus marché, qui est sorti en 2017. Je l'ai enregistré avec Justib à l'époque. Et c'était mon petit poulain, en fait. C'était mon premier artiste à Kaline Productions, un artiste que j'ai produit. Et on s'est éclaté. Et Une autre vie, en fait, ça parle un petit peu de notre éclate. Voilà, il m'a permis à l'époque de voir qu'on pouvait avoir une autre vie. Ça a été le début de tout ça, de tout ce positif en fait qui est arrivé. Et je pense qu'il a ouvert les portes. Donc merci Justib. Yavanna, une autre vie. J'ai besoin de personne, je fais ce que j'ai à faire, j'ai pas besoin de vous. Ils sont tous devenus fous, avec des pètes au casque, des coups d'épée dans l'eau par des bandits de bas étage. Très peu d'éloges pour des lâches, un système mictalope qui me fâche. Chante les chants de la vérité, arpente le néant dans les chants des déshérités. Hein, où est ton sens de la morale? Ta gorge ouverte dans des chorales. Gorge profonde de ton état, non. Il est inutile de me faire la leçon. Petit garnement, ceux qui parlent mentent. Le gouvernement, il gouverne et mente. Où est la force de la noblesse? Où est la force de l'esprit? Je crois que j'ai rien compris. Fuck le business, tout ça c'est banal. Encore des idées à glisser des bananes. Ils ont mis des grosses quenelles. Fuck toi si tu t'opposes aux sentinelles. Oh, c'est dans les Alpes que se vit l'exode. Et la plupart sont excédés. Les résidents se barricadent. Et les dirigeants ricanent de les voir boire dans des jerrycans. Dans des bivouacs improvisés, sur des emplacements de fortune, y a pas d'immunité, ça favorise la rivalité. C'est ça le quotidien des champs pauvres, des révolutionnaires, et c'est le point de vue des visionnaires. Ni le point de chute des récalcitrants, que le système tronque, trompe, et nous pompe l'air, je n'ai que faire de cirer des pompes. Il y a le bien et le mal dans cette réalité. I'm Ya, et que veux-tu que je te dise? Quoi? L'homme est une grosse bêtise. Vas-y. Apparemment, on est tous parano. On fait du bruit, mon vieux. Mais des millions n'en touchent pas un mot. C'est bien ça le problème. Ils disséminent leur haine et sèment leurs graines. Regarde, l'heure tourne et l'heure tourne n'est pas encore terminée. Alors je passe mon tour. Menteurs et menteurs voudraient me voir me taire. Mais jamais je ne me taire. D'ailleurs, j'ai la plume qui s'agite sur des pages blanches. Et je m'envole de mes propres ailes. Oui, tout ça fait du bruit. J'erre dans les champs de chrysanthèmes et chante chrysanthèmes. C'est dans les mêmes cités qu'on voit le même show. Les mêmes cités, un talk sous un faux. Si on perd l'identité, c'est qu'on est dans le faux. C'est la vieille Babylone qui nous plante dans le dos. T'as pas beaucoup d'idées, faudra élever le niveau. Et la capacité de faire avec les rivaux. On a mérité le dédale et on s'est égaré. We'll be right back. rêves deviennent mirages, où l'on renonce sans peur du vide, sans peur du large. Y'a plus la tâche, l'amour expire, échec et what. S'efface l'image du rafranchir et les stigmates. Non, je ne suis pas un mec pour toi, je me disperse au matin. J'espère qu'il saura te rendre heureuse. Les courbes de tes épaules deviennent une cascade. J'y ai vendu mon âme et connu des noyades. On se dilapide dans tous nos rêves et nos extases. Rondeurs intimes et les détails de ton visage. Non, je ne suis pas un mec pour toi, tu me chagrines au matin. J'espère qu'il saura te rendre heureux. Un mec pour toi, de moi on se souvient. J'espère qu'il saura te rendre heureuse. Non, je ne suis pas un mec pour toi, tu souffles et je m'éteins. Ce fut une erreur merveilleuse. Merci d'écouter Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika le vendredi à partir de 19h et on est ensemble jusqu'à 22h et ce soir notre invité c'est Yavanna et ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel et on a écouté pas mal de musique depuis tout à l'heure hein, donc on va récapituler un petit peu tout ça, tout ce qu'on a pu écouter depuis tout à l'heure. Donc on a écouté Yavanna avec Tempo, Yavanna avec Je suis, Alex Lebaille avec le morceau La vie, Yavanna avec Une autre vie. Juste après c'était Youth avec le morceau Dualité, les Burning Head avec Fierce et à l'instant c'était une nouveauté, Angeville avec une erreur merveilleuse. Donc on est avec Yavanna et pas que avec elle parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui nous a rejoint. Ça va Yavanna? Ça va. Tout se passe bien. Mais on a oui, fait une petite parce que... pause parce que l'on t'a fait une petite surprise. Ah oui, il y a une sacrée surprise qui est arrivée là. Waouh, quel bonheur, ça fait du bien. Voilà, donc prends un micro. C'est notre ami Youth qui est là ce soir aussi avec nous. Il est venu nous rejoindre parce que effectivement, il y a eu des contributions qui ont été faites. On en avait parlé dans un clip vidéo entre autres. Et donc vous connaissez bien et j'ai vu que vous étiez content de vous retrouver. Donc un grand plaisir. Ça va Youth? Ouais, bonsoir. Bah écoute, content d'être là. Là on revient à la maison, tu vois, Arc-en-Ciel ouais, j'adore. Alors après quand il y a Yavanna c'est la cerise sur le gâteau. Ça me fait vraiment plaisir de la voir. C'est vrai que c'est artistiquement, moi c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, tu vois. Et en plus c'est un truc, tu me disais que c'était ton année parce que tout s'enchaînait bien comme il faut. Alors il faut savoir que la semaine dernière au moment de rendre l'antenne, je ne savais pas que Yavanna allait venir. J'avais une plage qui est disponible pour ce soir. Et Yavanna m'a contacté en me disant, tiens, ça serait bien que tu passes à mon morceau. Je dis, bah, écoute, c'est vrai que je mets le programme de tous les morceaux que je passe. Et je peux pas passer tous les artistes, malheureusement. Donc, régulièrement, j'aime bien en passer aussi. Mais tu m'as fait le même coup parce que j'ai dit, je t'ai envoyé un petit message en disant, bon, je vais écouter l'émission d'Yavanna de 19h à 21h30 sur Mavrika. Voilà. La 517 ou la 518? 517, ouais. Bon, je me suis dit, je vais écouter. Et là, il m'envoie un message. Il me dit, mais tu peux passer, il n'y a pas de souci. Voilà, et donc, après, je me suis dit, ouais, ça fera une bonne surprise. C'est et génial. Ton micro, là. C'est génial. Ouais. Ah, il a une voix très grave. Ah, hein. J'ai une voix qui porte, ouais, désolé. C'est vrai qu'en ce moment, je répète beaucoup en ce moment, c'est vrai. Youth, c'est. Tu vois, les petites choses qui sont arrivées dans ma vie, qui m'ont mené à tout un tas d'événements. Bah, Youth, il en fait partie. C'est une petite étoile, même une grande étoile. On ne se voit pas souvent, mais quand on se voit, c'est. toujours magnifique. Ouais, c'est magique. Il y a une magie. Il y a une magie, c'est fou. On a fait un titre ensemble qui sortira peut-être un jour qui s'appelle Créateur d'espoir. Ce titre, il est magnifique. Ouais, c'est un morceau qui doit être terminé à un moment donné, c'est sûr. Et c'est vrai qu'il y a cette magie avec Yavanna. Moi, j'adore sa voix. Enfin, moi, c'est sa voix qui me parle. La tempo, j'ai écouté, c'est une dinguerie. Je suis en train de revoir un petit peu le début du clip. Franchement, pour moi, c'est une artiste plus que confirmée. Et voilà, c'est tout pour faire, ça que je fais un effort pour revenir parce que j'adore les gens vaillants qui se battent en radio, qui font des sons et qui essayent d'exister quoi qu'il arrive, peu importe l'environnement, même si l'environnement il est hostile ou qu'il y a des difficultés, on s'en fout, il y a quand même de la musique qu'on ressort. Il y a des gens comme toi, Albino, qui sont là pour passer le son, tu vois, sur les ondes pour que ça existe. Il y a des gens comme elle qui font du son, tu vois, et c'est ça qui fait que voilà, on a besoin partage, de vous. Hein, merci. Voilà, moi je suis là pour vous rencontrer. Et moi j'ai besoin de vous aussi. Voilà. Imagine moi. Moi aussi j'ai besoin de vous. Imagine une émission comme la mienne où il y aurait pas d'invités, il y aurait pas, je connaîtrais pas les artistes de la région. Oui. Donc moi j'ai besoin des artistes de la région. Pourquoi? Parce qu'il y en a des super bons et que j'ai envie de diffuser leurs morceaux. Pourquoi? Parce que j'aime ce qu'ils font. Mais c'est pas simplement pour dire tiens j'ai l'autre sous la main, je vais le passer. Non non. Franchement il y a des super bons artistes sur la région orléanaise. Ouais, donc je suis content. Et même d'ailleurs. Tu m'as fait découvrir de bêtes d'artistes, le Morad là, tu sais que tu m'as Morad, ouais, tout à fait, ouais. Non mais voilà, c'est que du bonheur, lâchez rien, que ce soit les artistes ou les radios, indé. Voilà. Pas. En tout cas, on se fait plaisir, voilà. On a notre public Vivez. Qui écoute l'émission Eureka. Voilà. Voilà. Voilà, il faut en profiter. Hein. Chaque jour compte. Et puis, chaque jour. Bah, aujourd'hui, c'est le jour de l'émission numéro 517. Et ouais. Yavanna est là. Et Yous est venu. Donc, la petite surprise. 517 ou 417? Parce que sur Facebook, c'est marqué 417. Ah, bah alors, il y a une erreur. C'est 517. Erreur, c'est 500, ouais. Je sais pas. 517, ça va. Sur le poste avec 517. Yavanna. Ouais, mais regarde 500. Là, sur ton, ce que tu es en train de modifier. Ah, bah, c'est moi qui me suis trompé. Ah, bah, j'ai rectifié. Ça, c'est pas trop tard encore. Là, je suis en train de le faire, tu vois. Voilà. Tu vois, j'ai une page sur laquelle il y a l'actualité, une autre page je modifie. Et puis là, je le fais en direct. Hein. Voilà, comme ça. ça m'arrive de me tromper. Hein. C'est normal, je suis comme ça arrive monde. À tout le monde. Et il y a des mêmes fois, j'oublie des lettres des fois sur le nom des artistes. Des fois, c'est un petit peu comique parce que ça fait donne des le trucs. Caractère particulier de tes posts. Bah oui, parce que franchement, ouais. Exceptionnel, le caractère exceptionnel. C'est ça. Bah justement, c'est parce qu'on le fait. Parce que là, je suis en train de vous parler. Je suis Facebook. Je fais là aussi la programmation. Donc je cherche les artistes. Donc toi, Yous, c'est passé. Et hop, tout de suite, j'ai trouvé un morceau de toi qu'on a diffusé. Tu veux nous en parler aussi un petit peu du morceau qu'on a écouté? Le morceau Dualité, ouais, c'est un morceau d'intro que j'ai fait sur une série en 3 volumes. Bon, c'est vrai que je suis pas là pour parler de mon projet parce que Yavanna sort son titre Tempo avec le clip qui va bien. Hein, donc là, j'ai regardé le début du clip, c'est une dinguerie. Elle est partout, tu vois. Enfin, c'est une vaillante, tu vois. Enfin, moi, Yav, voilà, c'est que de l'amour, tu vois. Enfin. Moi, je comprends pas pourquoi. Mais ça fait longtemps que vous vous connaissez, non? Non, mais on s'est côtoyés. Enfin, on avait des amis en commun, notamment Jérôme. Enfin, c'est des gens qui sont dans l'événementiel, etc. Mmh. Ça gravitait autour d'une radio qui s'appelait Web Passion, que tu dois connaître. Que je connais très bien. Oui, je connais bien certains animateurs. À un moment donné, il y a que les grandes étoiles qui se rencontrent pas. Pour faire un mauvais jeu de mots, pour pas dire montagne. Mais voilà, on avait des amis en commun et du coup, bah, ça a matché parce qu'il y a un feeling. Il veut pas parler de dualité. J'ai participé à son déménagement. Ça ne l'a pas dit. Déménagement, mais c'est surtout, vous voyez, dans le clip Possédé, il y a deux gars qui me sauvent, il y a deux ambulanciers. Ouais, et Yous, c'est un des deux ambulanciers et l'autre, c'est Jérôme. Et un grand merci parce que Possédé, on l'écoutera tout à l'heure. Ouais. Mais le clip, c'est pareil, t'es d'accord? Bah oui. Il s'est fait. Comme ça, ouais, comme toutes les choses de ma vie qui m'arrivent, rien n'est préparé à l'avance. Ouais, puis j'aime bien le filtre qu'elle a donné à son clip, parce qu'elle a toujours cette petite touche de cohérence qui était quand même très, très, on va pas dire lugubre, mais elle a géré le filtre du clip. Artistiquement, c'est une œuvre incroyable. Et voilà, posséder pareil un titre sur l'épilepsie, ça lui tenait à cœur. C'est vrai que c'était un événement dans sa vie qui est arrivé comme ça et qui subitement un petit peu Yavanna quelque part. tu t'es pas préparé. J'ai fait un micro AVC en pleine voiture, on en parlera tout à l'heure. Là, tu dois parler de dualité. Dualité, je me suis perdu. C'est un bon mot aussi dans tout ce qui est énergie, parce que c'est là où aussi je pense qu'on se ressent. C'est vrai, je vais parler un peu de moi. Bon, c'est vrai que non, mais parce que voilà, c'est quand même son émission. Je veux pas usurper. Non, mais justement, si t'es là, oublie pas tout ce qui est magique. Ouais, si t'es là, c'est pas pour rien. Dualité, c'est vrai. C'est le morceau d'intro du troisième volume d'une série que j'ai sortie suite au confinement, parce que c'est vrai que le confinement a été un virage de dingue dans ma vie, comme beaucoup de gens. Une épreuve. Moi, ça a été que de la création. Voilà, on parlait de créateur d'espoir. C'est vrai que moi, je suis un créateur. Voilà, je suis dans la création. J'essaye de créer des choses. C'est tout bête, hein. Ça peut être des crêpes comme un gâteau. Ah, il cuisine trop bien, en plus. Une chanson. Moi, voilà, je suis dans la créa. J'aime bien travailler avec les gens, les bons produits. Je suis comme ça. Voilà. Et j'espère être dans cette démarche-là. Donc, voilà. Le confinement m'a permis de créer énormément de musique. Voilà, là je suis sur une autre étape maintenant, comme tous les artistes, j'évolue. Là j'ai mis en forme des morceaux qui étaient dans le tiroir depuis un bout de temps, des textes, des ambiances. Donc comme je m'étais formé à la production musicale, j'ai pu exprimer tous les rebuts de textes. Ouais, voilà, qui étaient dans les tiroirs. Et dualité. Et dualité, donc c'est le morceau qui parle justement du combat entre le bien et le mal, en fait. Qu'à un moment donné, il y a deux forces qui interagissent. Pour moi, hein, je suis vachement manichéen. Il y a cette notion d'équilibre, voilà, par rapport à ces deux forces qui sont essentielles dans la vie, comme le jour et la nuit, parce que c'est un peu le yin et le yang. On va pas refaire la philosophie. Tout à fait, on a besoin d'un contraire pour que ça fonctionne. Le haut, le bas, la verticalité, le droite, le gauche. Enfin voilà, après c'est des jeux de, c'est une dualité, c'est des jeux de force. Et à un moment donné, pour moi, la vie c'est un équilibre, c'est déséquilibre. C'est-à-dire, voilà, il faut essayer de trouver les points d'équilibre chez les gens. Déséquilibre. Bah oui, c'est un jeu de mots, mais effectivement. Je sais que t'aimes bien jouer avec les mots. Mais voilà, puisque on fait de la musique, mais on fait aussi du texte, donc on rentre aussi dans la profondeur de l'écrit. Et il y a 1, 2, 3 degrés. Après, s'il y a des gens qui ont envie de cogiter un peu sur les textes, c'est intéressant. J'en fais un peu moins en ce moment des degrés parce que j'essaie de toucher un peu plus de monde. Et donc, je simplifie un petit peu mes créations. Mais sur ce morceau en particulier que tu as passé, on est quand même sur une profondeur philosophique, un peu comme Yavanna, tout en étant le plus humble possible, évidemment, dans la vie, tu vois. Oui, je sais que Yavanna, tu vois, elle était déjà venue ici. Une fois, en discutant, elle m'avait dit comme ça, il dit, mais c'est normal, le bien appelle le mal. Tu te souviens de m'avoir c'est dit possible, ça? C'est possible, oui. Ouais, elle dit, parce que si tu es gentil, de toute façon, tu auras toujours des gens méchants qui seront autour de toi. Elle m'avait expliqué ça. Et j'ai dit, mais attends, elle est beaucoup plus jeune que moi, elle m'apprend quelque chose que moi, j'ai mis beaucoup d'années à comprendre, effectivement. Mais tu peux aussi sortir la phrase, c'est un mal pour un bien. Tu vois, un bien pour un mal. Maintenant, en fait, j'ai compris que t'as les deux. À l'époque, je te disais ça. Ouais. Mais maintenant, j'ai compris que si tu fais quelque chose de mal, ça peut amener du bien. Fais quelque chose de bien, par exemple, tu veux sauver quelqu'un, ça peut amener du mal dans son existence. En fait, on n'a pas conscience de ce qu'on est en train de faire. Moi, je dis souvent maintenant, laissez tranquille les gens. Ne vous aventurez pas dans leur vie. Chacun a ses épreuves à vivre. Voilà. Si vous sentez qu'il y a une petite lumière qui vous dit de lever un petit levier, faites-le, mais jamais dans l'extrême. C'est trop dangereux. On est dans une simulation bizarre. Je sais pas. Moi, je l'appelle la matrice à cause de matrice. Dans un univers virtuel, la pilule rouge, c'est tu ça, sais. Tu vois. Mais dans tous les cas, ce qui doit arriver arrive. Quelque part, il y a peut-être aussi cette notion. Il y a beaucoup de philosophies comme ça en disant de toute façon, ça arrive parce que c'était déjà décidé. C'était écrit à l'avance. Ouais. Alors ça, il y en a certains qui... Attention, me lance pas là-dessus parce qu'on était en train d'en parler dans l'escalier. Bah, tu vois, pas là-dessus parce que j'ai des nouvelles théories. On peut partir loin dans le cerveau, ça peut faire péter. Moi, j'ai un ami qui disait qu'il n'y avait pas de hasard, il n'y avait que des rendez-vous. Tu vois, quelque part, ça devait déjà, donc, c'était prévu, c'était comme ça. Après, il n'y a pas une vérité, il y a des vérités. On a chacun nos vérités, on a une vérité commune. Chacun sa vision. Mais voilà, comme Yavanna, on est un peu tous dans nos galaxies, quelque part. Tu vois, elle, c'est plutôt Orion. Voilà, après, moi, je pourrais toi, pas. T'as une autre galaxie. Non, mais c'est vrai, sincèrement. Il y a 88 constellations. C'est vrai, on peut être carrément présent. Le corps peut être là, mais on peut être ailleurs dans notre tête. Tu vois ce que je veux dire un peu, Albin? Dans les étoiles, ouais, ouais. Bah, tu vois comme t'as réussi à chanter pendant l'émission. J'avais dit que je te ferais chanter. Franchement, faut la faire chanter. C'est ça qui est bon. Ouais, mais on n'a pas de truc. Est-ce que tu veux nous faire un petit truc à capella? Non, attends, je me suis fait arracher la dent. Ouais. Je veux pas dire le dentiste, mais il a fait n'importe quoi. J'ai l'os qui est en train de sortir de la gencive. C'est quoi, c'est la dent de sagesse, non? Ah non, bah ça va pas. Non, moi je suis plus sage depuis longtemps. Bon, non, là c'est une vraie dent, tu vois. J'ai mes dents qui. Et ne buvez pas de coca. Ouais. Alors là, si je peux te dire un truc. Ça attaque. Ne buvez pas de coca. Ouais, moi, je bois du coca. Ouais. J'ai toutes mes dents qui sont en train de tomber. Donc. D'ailleurs, s'il y a un bon dentiste qui nous écoute. Je veux bien. Je veux bien prendre parce qu'ils sont tous overbookés. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, si on n'a pas un dentiste attitré, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas que les dentistes dans tout maintenant. Voilà, donc, une bonne brosse à dents aussi. Il serait temps qu'on revienne un petit peu en arrière parce qu'on a laissé tomber pas mal de choses et il va falloir un petit peu qu'on s'y remette parce que on a des besoins. SOS. SOS, oui, tout à fait, c'est ça. Voilà, bah, justement, on parlait de l'univers virtuel et tu as un morceau qui s'appelle Virtuellement. Réel. Voilà. Est-ce que le réellement autant que cette vie qui devient virtuelle? Donc c'est le morceau que j'ai calé juste après et donc on va l'écouter tout de suite. On fait comme c'est ça. C'est parti. Yes. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression d'être dans les Sims, endormi par la matrice. Je me réveille en plein séisme. Quoi? Oui, je vis en plein délire, comme une rupture d'anévrisme. Je dois faire face à l'élitisme. Oh. Je cherche encore la sortie. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, on n'est plus maître de nos vies. Sous l'emprise de leurs envies, chérie, j'ai rétréci. Alors dis-moi ce que je dois faire pour sortir de la partie. Regardez. Passe-moi Pokémon Go. Je dis stop aux conneries. Pour reprendre goût à nos vies. Je dis stop. Stop à la technologie. Mais réveillez-moi. Il est où le bouton off? Je dis stop. Stop à la technologie. Le pire dans tout ça, c'est que je suis la première concernée. Tellement temps perdu sur PC que j'en ai les yeux cernés. Virtuellement réel. Est-ce que le réellement autant que cette vie qui devient virtuelle? Eh, mais réveillez-moi, le monde devient fou. Tout autour de moi, je vois des Pokémon partout. La liste est longue, je suis bien placée pour en parler. La technologie remplace le peu qu'il reste d'humanité. Dans ce monde étrange, chacun cherche sa vérité. J'ai rencontré que des robots qui cherchent à me déshumaniser. Comme un besoin de retourner aux sources, d'écrire un album de jolies chansons douces. Mais j'ai trop mal à la tête. Il est où le bouton off? Il est où le bouton reset? Je dis stop. Voilà, le morceau virtuellement réel. Donc, bah, ça fait un petit peu partie de ton univers quand même. Hein. Donc, non, on le voit tout à fait dans tes clips vidéo où il y a des choses, des jeux, des images de synthèse. Tu apparais aussi. Il y a des gens normaux. Donc, des gens normaux. Bah, voilà, j'essaie d'expliquer avec mes mots à moi. Donc, c'est vrai qu'il y a le côté réel, le côté virtuel, un petit peu qui se croise. Et puis, c'est ton univers. Hein. C'est comme ça que tu l'as fait évoluer. Et donc, bah, ce soir, tu es là pour nous en parler. Et on va écouter un morceau juste après qui s'appelle Orion Lyon. Ouais, tu vas nous en parler aussi, justement, parce que on en a parlé déjà un petit peu tout à l'heure, des constellations. Comment les choses sont courtes, c'est fou, en fait. Enfin, toi, t'es de l'autre côté, mais t'entends pas notre conversation ici. On a l'impression que les chansons sont calées en fonction de notre conversation. Bah, en même temps, on avait fait une petite piste. Mais moi, je savais pas qu'il allait arriver qu'on parlerait de ces choses-là en même temps. Enfin, c'est la synchronicité. Ouais, la synchronicité. Ça, c'est quelque chose d'assez fou. Et c'est des signes révélateurs que je sais pas si dans vos vies, à ceux qui nous écoutent, vous avez ce type de signes ou d'éveil ou de choses bizarres. Mais en tout cas, si c'est le cas, vous n'êtes pas fou. C'est différent. Ouais. C'est-à-dire que tu sens qu'il y a un truc spécial qui est en train de se passer à ce moment-là. Ouais. C'est pas normal. C'est exceptionnel. C'est bizarre parce qu'il y a des choses, il y a des choses qu'on prépare, on a le temps de le faire, on le fait bien, nanana, et le jour J, ça se passe pas comme on voulait. Il y a rien qui va. Ouais, cette version-là, ou alors t'as la version où t'as rien préparé. Voilà, et ce jour-là, hop, ouais. Et tout se goupille bien, tu dis, ouais. Mais c'est pas possible, j'aurais tout préparé, ça aurait pas marché. Exactement. Et là, j'ai rien prévu. C'est pour ça que je ne prépare plus rien. Ça a fonctionné. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Parce que ça devait se faire et que ça s'est fait. Voilà, il y a une magie qui se fait. Ça c'est un peu. Par contre, faut sortir du canapé. C'est pas enfoncé dans ton canapé que tu vas pouvoir remplir 300 000 personnes. Tu vois, à un moment donné, il va falloir se lever, tu vois. Ouais, ça, tout à fait. Il faut se bouger. Et comme je disais aussi, bah justement, il y a l'équilibre. Il peut y avoir un concert où ça se passe mal. Mais il y a rien qui a été bon. Il y a eu la pluie, il y a eu les sacs sur les lumières, il y a la moitié des personnes. On aurait pu faire cramer la scène, quoi, mais, tu vois. Mais voilà, non, mais un truc comme ça. Et puis à côté de ça, dans quelques temps, faire un concert où elle est peut-être moins préparée, elle se dit ouais, limite ça ira comme ça. Et puis là, ça va faire un buzz, quoi. Donc, comme quoi. 40 dates quand même cette année en 2022, c'est pas rien. C'est pas rien. C'est pratiquement. C'est presque une par semaine pour une épileptique à haut degré quand même. Ça prouve qu'on est malade, c'est pas grave, tu vois. C'est pas grave, on continue notre vie. Tu crois qu'il y a des gens normaux? Non, c'est pas quoi la normalité. C'est pas une question de normalité, mais quand on est malade, la première année, je me suis dit, je suis malade, je peux plus rien faire. Enfin, tu sais, t'as la déprime qui va avec. Mais t'as aussi ceux que tu vois qui ont beaucoup d'espoir et qui, du coup, font encore plus que ce qu'ils auraient pensé. Ouais. Et puis t'as ceux qui restent chez eux un peu déprimés. Non, si vous nous écoutez et que vous êtes malade et que vous pensez ne plus avoir de vie à cause de ça, mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, il faut continuer votre vie, faites vos rêves, vos ambitions, voilà. Et puis c'est pas grave, si un jour ça se passe mal, et ben le lendemain ça ira mieux. Il faut s'écouter soi, il faut pas toujours écouter les autres, parce qu'il suffit qu'il y ait quelqu'un qui nous fasse une petite remarque, puis voilà, les gens ils se renferment. Et non, moi j'ai bien aimé dans votre discussion, parce que j'écoutais le live avant d'arriver, c'est le mot art-thérapie, je trouve que c'est vachement bien. C'est ma maman qui me l'a sorti, ça. C'est super. C'est vrai, c'est de l'art-thérapie. Ah oui, ça résume tout, tu vois. Ouais. Si tu moralement, il y a quelque part dans la maladie, il y a l'aspect mental aussi du patient. C'est-à-dire que si, bon, je suis pas là pour donner des leçons ou dire qu'il faut faire comme ci ou comme ça, mais dans la majorité des cas, il y a des gens qui mentalement sont très forts et ils arrivent à dépasser le simple état de vie dans lequel ils sont et ils arrivent à s'épanouir spirituellement, artistiquement, etc. malgré tout. Tu vois. Ils atteignent le nirvana à un moment. Non, si c'est un peu une comme élévation, ça. Non, mais une forme d'élévation. À ton avis, pourquoi ça ressemble à mon prénom? D'accord. Okay, Nirvana, Yavana. Yavana, voilà. On n'est pas loin. Voilà, très bien. Non, mais c'est vrai qu'il y a des grands sages, on va dire ça comme ça, hein, que ce soit quelques... Bon, souvent, le Nirvana, c'est de l'hindouisme, bouddhisme, etc. Mais dans toutes les religions, il y a des grands sages, gens qui font, et même des gens qui sont carrément athées, qui n'ont rien à voir avec la religion, mais qui ont... Je suis pas religieuse du tout. Voilà, non, mais comme quoi, quelque part, on en parlait aussi, c'était une religion laïque, on en parlait, comme il disait Jean-Jacques Goldman. C'est vrai qu'on ne sait pas forcément ça, mais il y a quelque chose qui t'accroche, toi, les planètes, les choses comme ça. C'est simple, en fait, c'est une affaire d'interprétation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu ressens quelque chose, comment t'arrives à expliquer ce que tu ressens par des mots, mais les mots sont limités. Mmh. C'est les langues françaises, espagnoles, arabes, juives, ce que tu veux. Mais en fait, au final, c'est le même ressenti. C'est le même ressenti, ouais. Comment tu le qualifies? C'est l'interprétation qui fausse le sentiment, en fait. Le sentiment, c'est le même. Pour le même sentiment, il y a plusieurs manières de l'interpréter, hein, suivant les langues, etc. Et suivant le niveau aussi de la personne. Il y en a un qui va le dire d'une certaine manière, l'autre qui va le dire d'une autre manière. Le ressenti, c'est le même. Et après, par exemple, par rapport aux paroles d'une chanson ou la mélodie, le ressenti, même si toi tu as mis ce ressenti-là quand tu as sorti ce morceau-là, oui, les gens vont encore le ressentir différemment. Donc il faut voir. Fait que tout le monde le ressent différemment et l'interprète encore différemment. Tu parles de l'infiniment interprété, c'est-à-dire qu'en fait tu peux l'interpréter. tu l'interprètes des mille et des cents de manière différente. Et ce qui le rend éternel quelque part en fait. Ouais, tout à fait. Moi, ce qui me rend folle, c'est que Yous, il fume pas, il boit pas. Il a un éveil de fou, alors qu'il prend aucune drogue ou quoi que ce soit. Moi, il me fait halluciner. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Moi, il me fait halluciner. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce que, tu vois, on en a besoin de personnes comme ça qui ont un éveil d'une autre dimension, qui sont là pour t'apporter, une bienveillance différente, tu vois. C'est des mots qui font du bien. Moi, Yous, quand il parle, ça me fait du bien. C'est quand même une petite sœur. Et puis, elle est talentueuse, donc faut la supporter. On va arrêter de... Non, mais là, moi, je balance les fleurs. C'est parti. Ah, moi, quand je kiffe, tu vois. Voilà. Après, on peut me dire ce qu'on veut humainement, professionnellement, machin. Artistiquement, c'est lourd, tu vois. Après voilà, c'est moi je kiffe, donc voilà, je parle de ce que j'aime. C'est... Voilà, il faut dire quand on aime les choses, il faut les dire. Ça c'est important, ça. Ça encourage encore plus. Parce que c'est bien. Moi je vois beaucoup de gens qui jugent, qui disent moi j'aurais fait autrement. Il faut dire ce qui est bien. Il faut que ce soit constructif. Ou alors à la limite dire voilà ton truc, moi je l'aurais aimé. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, c'est quelque chose qu'on peut apporter une discussion. Mais les gens des détracteurs, il y en a beaucoup, et des gens qui disent qu'ils aiment, il y en a très peu, même s'ils aiment, et donc il ne faut pas hésiter à le faire. Quand on aime, on le dit. C'est pour ça que je me déplace voir les gens, parce que j'ai besoin d'être proche de ce que j'aime, tu vois. Tu es toujours le bienvenu ici, en tout cas, tu vois. Ça, c'est fait comme ça. Déjà, l'émission, je la kiffe, tu vois. Donc, c'est un tout, quoi. Et c'est vrai que moi, depuis que je fais cette émission, il y a des projets différents. Je reçois des gens de tous les univers, des gens qui pensent pas du tout pareil les uns que les autres. Il y en a certains qui pensent comme moi, d'autres qui n'ont pas du tout. Et inversement. Mais c'est toujours enrichissant de discuter avec eux. Il y a des échanges qu'on a eu ici à l'antenne de la radio, c'est des discussions comme si on était chez nous. En vérité, on est à une radio, il y a des milliers de personnes qui nous écoutent. D'ailleurs, on les salue tous. Tu sais comment je me rends compte de ça? C'est comme, par exemple, je suis sur Orléans, puis je change de radio, puis d'un coup, je tombe sur Arc-en-Ciel, tu vois, et je t'entends, ou j'entends Christine, ou d'autres, et je fais, ah mais oui, en fait, on a l'impression d'être à la maison là-bas, mais non, faut pas oublier qu'on est écouté quand même, tu vois. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est bien ce côté un peu cosy, tu vois, genre private, où les gens, un peu à la maison avec les gens, quoi. C'est comme tu dis, c'est à l'ancienne. Moi, je sais, quand j'étais en centre aéré, quand j'étais très petite, il y avait une radio au centre aéré, puis c'était moi, entre guillemets, la boss de la radio. J'adorais ça, passer des trucs et tout. Et ça ressemble, on est au centre aéré quand j'avais 10 ans, et là, c'est un gros kiff, tu vois. Et en fait, être encore un grand enfant quelque part, puisque on a un peu la tête dans les nuages, un peu la tête dans les étoiles. Non, mais moi, une question que je pose souvent, je me dis, est-ce que l'enfant qu'on était, est-ce qu'on ne l'est plus? Je pense qu'on l'est toujours. Bah, il faut le garder. Il y en a certains qui l'occultent complètement. Mais malheureusement, ce qu'il faut, c'est se dire, non, mais cet enfant que j'étais, que j'aimais ce truc-là, il y a des gens qui arrivent à 50, 60 ans, ils rachètent les jouets qu'ils n'ont pas eu quand ils étaient jeunes. Ah, donc ouais, cet enfant, ils le sont toujours. Il faut pas l'occulter. Ça, c'est un problème psychologique. Non, il y a des choses comme ça. Il y a des enfants qui ont rêvé. Ils ont rêvé d'avoir des choses quand ils étaient petits qu'ils n'ont pas pu avoir. Et une fois grand, ils le retrouvent. Attends, et il en peut plus, il faut que tu laisses parler, là. Moi, j'étais un peu plus pauvre avant. Je le suis toujours, mais. Un peu moins. Mais, je me suis racheté les trucs que je pouvais pas m'acheter quand j'étais petit. Tu fais partie de ces gens-là. Ouais, des baskets et tout. Je me tais alors. Il y a une phrase d'Oxmo, il disait « Personne ne guérit de son enfance ». Ça peut résumer... C'est beau en plus, c'est bien dit. De toute façon, un adulte, c'est un enfant qui a évolué. Tout à fait. Oui, mais il y en a certains qui ont oublié qu'ils étaient enfants. Moi, des fois, je vois des gens, même je regarde, je dis « Mais Attends, t'es en train de faire la morale à un tel. Toi, t'es jeune, t'es pire que lui, ça se trouve. Mais il faut pas oublier ça. Donc, ce qu'il faut, c'est parler à un enfant ou à un plus jeune que soi, en essayant de l'aider, en lui disant, voilà, mon expérience, elle est comme ça. Moi, à ton âge, je pense, c'est comme ça. Pour qu'il comprenne qu'effectivement, on peut changer avec l'âge, etc. Mais qu'en même temps, on reste les mêmes. Et on peut comprendre quelqu'un qui a un âge complètement différent. Il faut rester ouvert. Ben oui, bien sûr. Être ouvert et puis être dans de la communication et de l'échange et puis faire part de son expérience, ça c'est du bah oui, c'est point intéressant. Bien. Parce que moi, il y a des fois, il y a des choses où, dans lesquelles ma façon de penser qui a évolué au long des années, des fois je remets en cause et je me dis, ouais, mais attends, j'ai toujours pensé comme ça et finalement je me suis bien fait avoir parce que on m'a manipulé en me faisant penser comme ça. Et aujourd'hui, je réalise que finalement j'aurais dû penser autrement. Mais tant mieux parce que c'est toute cette manipulation qui t'a amené à cette réflexion. Bah oui, tout à fait. C'est ça, c'est long. L'ombre et la lumière. Ouais. Si t'as pas d'ombre, t'as pas de lumière. Oui. Parce qu'il faut de l'ombre pour voir la lumière et l'inversement. Quand tu écris avec une craie, il faut un tableau noir. Voilà. Si tu écris avec une craie blanche, si tu écris sur du blanc, tu ne verras pas. Donc quand tu écris quelque chose, c'est sur un tableau noir. Quand tu écris avec un stylo bleu, c'est par exemple sur une feuille blanche. Il faut qu'il y ait un contraste, sinon c'est pas révélé, c'est d'écrire en blanc sur du blanc ou du noir sur du noir. Là, tu dis quelque chose d'important parce que pour révéler, il faut des contrastes. Il faut des contrastes. Et ça, je pense qu'on en manque. Et en tout cas, la plupart des personnes ont peur des contrastes et n'osent pas justement. Voilà. Parce que si tu côtoies toujours ton groupe d'amis, ils pensent comme toi, voilà. Et un jour, tu es confronté à quelqu'un qui pense autrement. Alors tu dis, bah non, il a tort. Yavanna ou un Yous. il est fou, illuminé, qui sort de l'asile. Non, c'est pas grave. Faut prendre le temps d'écouter les gens et de se dire, non mais finalement, moi j'ai jamais pensé ça comme après, ça. Mais est-ce qu'il aurait tort, est-ce qu'il aurait raison? Mais nous on est des perchés quand même, parce qu'on c'est va pas des très, perchés, très mais loin on le, est des enfants concept. Des étoiles, si tu veux, sur Terre c'est compliqué. On a besoin de se donner des explications. On peut même être pris pour des incompris, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que... Tempo. Des fois, on est à la limite de l'hôpital psychiatre. Enfin, non, je veux pas faire peur les gens, mais on est tellement. Parle pour toi. Hein. Non, c'est pas ça. C'est que vraiment, en fait, il y a une réalité qui est vraiment très présente, que ce soit sanitaire, humaine, la guerre, etc. Il y a vraiment des choses qui sont vraiment très très concrètes sur la terre. Et les gens qui font ces mais problèmes-là. Nous, les artistes, les hypersensibles, on a besoin de rêver. Donc on va s'élever et aller chercher là où les gens ne vont pas ou ressentir une hypersensibilité qu'ils n'ont pas. Et c'est pour ça qu'on crée, c'est pour justement interpréter ce qu'on ressent. Et c'est là où il y a ce décalage. Quand on est en création et qu'on va chercher de l'inspiration, on s'enlève complètement de la réalité de la guerre sanitaire, ce que tu veux, des maladies, etc. Et c'est une force, en fait. Et les gens peuvent nous prendre pour des fous. Heureusement qu'il est là, parce que moi, j'ai pas ces mots-là pour expliquer. Mais tu dis bien les choses, c'est vraiment ça. Tout ce qu'il vient de dire, c'est exactement ça, tu vois. C'est cette capacité à aller à surpasser mentalement les choses qui sont dures pour essayer d'aller chercher une zone de confort, de bonheur dans sa tête. Et au final, c'est ça le but, en fait, c'est d'être heureux, en fait. Et puis, t'as les artistes qui vont faire ça, comme tu dis, pour s'élever, entre guillemets. Ouais. Et puis après, t'as ceux qui vont chanter pour les autres. Et c'est pas la même émotion, tu vois. C'est les ghost artistes, moi j'appelle ça les fantômes, artistes fantômes, qui ne vivent pas forcément ils ressentent pas ce qu'ils chantent, en fait. Ils le chantent mécaniquement, mais ils sont pas dans l'émotion, comme Yavanna, tout à l'heure, je l'entendais parler. Elle disait que quand elle chantait, à un moment donné, elle est tellement prise d'une émotion qu'il y a un bug artistique qui se fait, que c'est tellement fort en émotion qu'elle n'arrive pas à chanter, en fait. Elle est bloquée. Et c'est là le professionnalisme. C'est là où il faut être professionnel. Il faut remballer un peu son émotion, ne pas trop en envoyer pour pouvoir honorer son titre jusqu'au bout et le présenter au public de manière professionnelle. Il faut utiliser, en fait, l'émotion de manière équilibrée. Ça m'arrive souvent en ce moment. Je suis en train de répéter sur des choses et à un moment donné, je suis pris d'une émotion. J'ai une boule dans la gorge. J'arrive plus à chanter, en fait. C'est tellement chargé en émotion, tu vois. Par exemple, là, je chante en ce moment le morceau Mon ami la rose de Françoise Hardy que je suis en train de reprendre. On est bien peu de choses. Voilà, on est bien peu de choses et mon ami la rose est morte ce matin. Tu vois? Ouais. À l'aurore, je suis né. Très belle chanson. Tu vois, c'est un morceau, il est magnifique. Magnifique, c'est une Et des fois, je bloque, je pleure, tu vois. je pleure parce que c'est trop chargé en émotions. Tu vois, les accords, le texte, c'est une dinguerie ce morceau. Tu vois. À tempo, moi je l'ai enregistré en pleurant. Hein. C'est... Je pense que ça s'entend quand tu l'écoutes maintenant. Tu sens que c'est pas loin, quoi. Ouais, c'est une dinguerie. Donc voilà, l'émotion, l'artiste doit apprendre à la gérer, il doit la canaliser pour ne pas être dépassé par l'émotion. Tu peux l'être en studio ou à la maison, il n'y a pas de souci, mais à un moment donné, quand tu es en public, il faut être professionnel. Parce que la garder. Parce que lui, le public, il a besoin. Il n'est pas prêt à ce genre d'erreur. Voilà. Ah, il dit il va voir un artiste. Il va voir un artiste, c'est pour voir une presta. Limite, il y en a qui payent en plus, tu vois. Oui, tu peux pas te faire un bug. Je pense que dans tous les concerts, il y a toujours quelque chose. Le musicien qui se plante un petit peu, il y a toujours quelque chose. Donc, de toute façon, mais après, c'est sûr que les gens qui écoutent comme ça, ils disent ouais, c'est très bien et tout ça. Les musiciens eux-mêmes s'en rendent compte. Hein, dans le groupe, ils s'en rendent compte. Alors, mais souvent, c'est bien. Vous voulez pas parler, non, on n'arrive pas à je termine là-dessus parce que tu tiens encore un truc. Donc je te renvoie encore. Si t'arrives à chanter ta chanson en pleurant, mais en arrivant à la terminer. Ah ouais, bah. Alors là, t'es le plus fort. Et garder les notes. Là, t'es le plus fort. Il y a certains. C'est-à-dire, les larmes aux yeux, truc de ouf et tout, genre, mais tu chantes quand même, tu vois, et t'as pas la voix qui tremble. C'est énorme. Ouais. Tu vois, là, c'est professionnellement, c'est énorme. Mm. Ça veut dire que là, l'émotion, elle est là, et le professionnalisme, il est, non, mais là, c'est, j'ai jamais vu ça encore, tu vois. Je pense que quand il y a une interprétation comme ça, le public, lui, c'est pareil, il est scotché. Au bout d'un moment, il y a quelque chose, même lui il est bloqué. Il y a des fois des silences dans des salles. Moi j'ai vu des fois des salles où il y a beaucoup de bruit, tout ça, et tout d'un coup il y a une chanson avec des paroles, et là tout d'un coup tu t'aperçois qu'il y a ça m'arrive avec Possédé, et c'est le silence complet. Tu te dis là, les gens ils sont pris, quoi. Ils sont pris. Moi, si je peux me permettre, Yavanna disait que souvent elle avait envie d'arrêter, et que bon, là on lui a proposé une résidence sur des salles, des machins. Enfin, il y a plein de gens qui arrivent avec plein de projets, et c'est une dinguerie, et elle peut pas refuser tellement c'est énorme. Mais il y a un moment donné, c'est vrai que c'est moi personnellement, pourquoi j'arrête pas la musique, parce que c'est la chanson en fait qui m'a le plus bouleversé dans cette vie, en fait, tu vois, émotionnellement parlant. C'est une chanson, des chansons qui m'ont transpercé l'âme, en fait. C'est des musiques, des paroles, et c'est pour ça que je lâche rien, quoi, parce que j'ai tellement été, non, mais on n'a pas le choix, en fait, je crois. On est créé pour ça. Un Michael Jackson quand j'étais petit, tu vois, un Stevie Wonder, tu comprends ce que je veux dire, enfin, même un Lionel Richie par exemple, tu vois. C'est je veux dire, à un moment donné, ça te transperce. C'est fou parce qu'on n'a pas les mêmes références. Lui, il est très dans ce que tu viens de dire. Moi, ma référence de quand j'étais jeune, c'est Britney Spears. Britney Spears. Ouais, mais c'est génial. Mais Britney vient elle en découle de Jackson et compagnie. C'est... Ouais, mais on ouais, est. Mais c'est oui, mais business de chez business. Non, mais il y a pas de souci. J'ai adoré Britney aussi. Tu vois, mais ouais, mais je sais, mais c'est ton point de départ. My holiness, oui, mais... is kidding me. T'entends la voix, t'as vu? I must confess, I still believe. C'est formidable. Britney vient de rentrer, elle est dans les studios de. Sort de ce corps. Là, franchement. When I'm not with you, I lose my mind. Give me your sign. Hit me, baby, one more time. Super, génial. Il n'y a pas d'autotune pour une fois. Il n'y a pas d'autotune, il n'y a rien du tout. Là, c'est en direct live. Il y a en direct live, et puis tous les potentiomètres, il n'y a pas de déco, il n'y a pas de rien du tout. Il n'y a pas besoin. C'est vrai que tous ces artifices-là, des fois, ne servent à rien. Des fois, ça donne un peu un plus, et d'autres fois, on revient. Mais la question à 1 million d'euros, Yavanna, pourquoi tu fais pas The Voice? Mais ça va pas. Tu vas pas me signer avec TF1 pendant 20 ans que je pourrais rien faire. Et Magali Vaé, on la connaît un peu tous, Magali, elle est d'ici, tu vois. Franchement, tu pourrais. Parle avec Magali, tu vas comprendre pourquoi il faut pas signer avec TF1. Hein. Ah oui, non, mais oui. Évidemment. Parce que The Voice, en fait, c'est un programme TF1 qui va tu vois, Kenji, pourquoi il fait une série sur TF1? Pourquoi Louane, elle fait une série sur TF1? Ils sont pas parce que leur stream, ça rapporte pas assez par rapport à Maître Gims, donc il est foutu sur une série, tu vois, et ainsi de suite. Une fois que t'as signé avec TF1, tu appartiens à la chaîne. Et Kenji, il a peut-être jamais eu envie d'être acteur, ou Louane non plus, tu vois. Business pur. Après, j'avoue, ils ont bien joué le truc, mais c'était peut-être pas leur ambition. Et moi, j'ai pas du tout envie d'aller signer avec un. Ah non, t'imagines Tu pourrais tellement déglinguer des gens, tu vois ce que je veux dire. C'est pas une question de déglinguer. Moi, j'ai un esprit tellement ailleurs. Ouais. que si j'arrive là-dedans, mon Dieu, c'est soit je pète tout, soit ils me finissent par me tuer par les services secrets, tu vois. Non, mais il y a tout un, effectivement, il y a tout un derrière le rideau que je veux même pas essayer d'imaginer, quoi, tu vois. Bah, c'est tellement bien dans ma réalité. Si vous êtes artiste, continuez d'être artiste, ne signez avec personne d'autre que Faites vous. Faites ce que vous avez envie voilà. de faire. Au pire, montez votre label associatif qui va se mettre en association avec d'autres associations et ainsi de suite. Moi, Kaline Productions, j'aurais jamais pensé être en association avec Unity Crew ou avec Kaline, avec Epilepsy France, par exemple. Epilepsy France, le parrain, c'est Stromae, quand même, c'est pas rien. Montez votre petit truc et montez les marches tranquillement. N'allez pas tout de suite en haut pour vous faire griller ouais, les ailes. Les plans sur la comète. Mais oui, The Voice, c'est de. Tu vois, t'as les. C'est un peu comme la boucherie. T'as ceux qui mangent du poulet dans les nuggets et il y a même les os là-dedans, tu vois. Et puis t'as ceux qui vont acheter le bon poulet fermier chez l'agriculteur. Bon, ils vont le payer une blinde, mais le poulet, il est délicieux, tu vois. Moi, je vais être un poulet bien garni, tu bien vois, fermier. Avec mes grosses cuisses, mon gros cul. Ma bonne vieille paysanne. Voilà. Et quand on mange, je veux que ça soit bon. Voilà. Je veux pas qu'on mange mes os. C'est magnifique. C'est joliment dit, j'adore. J'achète un poulet fermier. Je suis un poulet. Les fermiers, je le revendique. Faut que les nuggets. Ouais, bon, en même temps, j'en mange donc. Mais voilà. Non, mais voilà, tu vois. Très c'est... bien. L'image est très bien parce que c'est vrai qu'on compare souvent aussi les artistes. Ouais, ils aiment aussi les images, ils aiment la musique. La cuisine aussi c'est un art quoi. Fait partie de parce qu'on peut faire à manger comme ça pour dire voilà il faut que je me nourrisse, je vais ouvrir le frigo, je vais voir ce qu'il y a et puis je cuisine un truc. Ou alors on dit prendre j'ai envie de faire plaisir. Et là je vais aller chercher des bons ingrédients, je vais les goûter, je vais le faire à ma manière, cuire comme il faut et tout ça. Et là on a envie de partager quelque chose. Donc c'est vraiment de l'émotion. Encore, là tu touches un point essentiel sur l'esprit. Le fait de manger des choses, des bonnes choses, interfère sur ton esprit automatiquement. Tout à fait. Ben, on est ce qu'on mange, comme on dit. Alors, heureusement que non. Ça, c'est faux. Parce que moi, je mange McDo à 90% de la semaine. Mais tu vois, elle devrait pas. Si elle mangeait différemment, elle serait encore plus élevée. Encore. Tu pourras t'élever un peu plus. Faut pas m'élever encore plus. Vous êtes cinglés. Mais venez avec moi une journée, vous allez comprendre. Mais non, je suis pas sûre qu'on ait ce qu'on mange, non. Et en même temps, je peux pas manger autre chose parce que je vais pas vous expliquer la suite. Je peux pas manger tout ce que je voudrais manger. Ouais, évidemment. Voilà. Ah bah oui. Donc vive les nuggets. Ouais. J'ai plus tendance à dire vive le poulet fermier. Ouais, vive le poulet fermier, je dirais. Je rigole, bien sûr. Bah, très bien. Il faut tout pour faire un monde, hein, de toute façon. Et puis là, on parle beaucoup. On avait présenté un titre qu'on a toujours pas envoyé. Hein. Ils ont dû se fatiguer, les auditeurs. Je suis sûr qu'on a perdu la moitié, là. Non. Bah justement, ils ont écouté. En attendant, il dit tiens, il va y avoir un morceau qui s'appelle Orion Lyon, et donc on va l'écouter tout de suite. C'est parti. Thank you. On a écouté quand même ce morceau Orion Lion, Orion Lion. Voilà, on va le dire à l'américaine. Yeah. Et juste après, c'était nos amis de Frisson, un groupe qu'on suit depuis beaucoup de temps. Et justement, ça m'a fait penser un petit peu, parce que déjà, j'ai un petit message de Stéphane. Et en plus, ils ont participé au Jargeau, le tremplin Jargeau. Jargeau Plage. On était ensemble. Ouais, et c'est eux les gagnants de cette année. Donc voilà, c'était bien de passer un petit morceau aussi de. Alors j'avais cherché un peu partout parce que j'ai beaucoup de choses dans mon ordinateur, et j'ai tapé Frisson et malheureusement il n'avait pas écrit le nom, donc il a fallu que je me souvienne des noms des morceaux et j'ai réussi à c'est retrouver. C'est là où on a un super albino qui se souvient de tout et heureusement. j'essaie de me souvenir de plein de choses et des fois même les gens au début, maintenant ça c'est un petit peu perdu. C'est-à-dire que moi quand j'allais dans des concerts, je rencontrais les gens et je les appelais tous par leur prénom et les mecs ils me disent mais comment tu fais pour te souvenir des prénoms de tout le monde? Carrément. Et là, au bout d'un moment, j'ai perdu un petit peu parce que 517 émissions, j'ai reçu, 300-400 projets différents. Donc, des fois, je cherche un peu, mais souvent, ça me revient quand même assez facilement. Et ou alors, des fois, ça m'arrive aussi, c'est l'effet inverse, c'est que je vois une personne, je dis, il est déjà venu dans mon émission. Il faisait partie de quel groupe? Il disait, je suis un peu perdu des fois. Donc les gens m'en voudront pas, hein, après ça revient très vite. Hein, c'est le fait d'être confronté à une personne comme ça, on ne reconnaît pas tout de suite, mais ça revient après très très vite. Et puis en attendant, on est très content d'avoir fait des émissions avec plein de gens différents. C'est un enrichissement personnel et aussi au niveau des auditeurs. Mais c'est surtout rock quand même. C'est surtout. Ouais, c'est plutôt mais, rock. Mais c'est vrai que à l'origine, tu vois, il y a une phrase magique qu'on dit à la fin de l'émission, c'est que le rock and roll saute avec vous. Et souvent, cette phrase-là, des fois, on l'a modifiée. Pourquoi? Parce que des fois, on avait du son latin, donc on disait que le son latino soit avec vous, ou que la musique en général. Voilà, des fois simplement la musique. D'ailleurs, il y a une question que je voulais te poser. Comment tu qualifierais, toi, ta musique? Attends, d'abord, je vais te poser une question, parce qu'après, on va l'oublier. Ouais. T'en penses quoi de Orion Lion, toi qui aimes le rock? Ah bah oui, là, moi, j'ai écouté tout à l'heure. Alors, les guitares, comment tu fais les guitares? C'est un ami. D'accord. C'est Yves, en fait. Yves est l'auteur de Jaurès et Orion Lion, et c'est celui qui a fait le clip Deliverance aussi. D'accord. Avec ses enfants. Donc, c'est lui qui joue. Il a tout fait. En fait, c'est un mec un peu comme moi. D'accord. On s'est rencontré via sa copine à l'époque qui a fait la pochette de Retour à l'essentiel, donc qui a dessiné. Et c'est des gens avec qui je me suis super bien entendue. Je ne les ai jamais rencontrés en physique, hein, c'est tout à distance. Et Yves, il m'a sorti 10 instrumentales, dont Orion Lion. Je l'ai écouté, j'ai eu des frissons. J'ai dit, mais comment tu fais? Le piano, il est magnifique. Enfin, il m'a envoyé les pistes. J'ai écrit, j'ai fait mon petit mixage à la maison. Et puis voilà. C'est super bien calé, les guitares. Moi, j'écoutais tout à l'heure, je lui dis, c'est vrai, le son. Parce qu'il y a des fois, des sons qu'on fait en live, ça sort pas exactement comme on voudrait, la capture est pas évidente, d'être dans des salles, des choses comme ça. Et là, non, c'est fait en studio, donc déjà, les pistes sont nettoyées, c'est bien fait, on voit que c'est... Plus ou moins, faut voir le travail. En fait, faut que vous veniez un jour à la maison pour comprendre que y a rien qui est super propre, je sais même pas comment ça sort propre, des fois. Non, mais des fois, il y a des trucs, moi, j'ai déjà vu aussi des ingénieurs du son qui font des prises de son pendant des heures, et puis recommencent tout ça. Une fois qu'ils ont le son, il faut savoir qu'ils retravaillent piste par piste. Des fois, il y a des morceaux où il y a des centaines de pistes différentes. Moi, j'ai 90 pistes en moyenne sur un son. Hein. Ils les écoutent d'un bout à l'autre et des fois, ils nettoient tous les petits bruits, des choses que, à la limite, quelqu'un ne fera pas attention. Et après, il faut réussir à le faire, mais sans pour autant dénaturer, parce que des fois il y a des petits sons qui sont derrière. Si on les efface, c'est aussi de la réverbération naturelle. C'est surtout les respirations, les petites reprises avec la bouche, tu sais. Il y a des choses, je vois dans Tempo, je les ai pas effacées. Parce que dans Tempo, t'as l'émotion qui passe aussi dans la respiration, donc je vais laisser. Oui. Ouais. On appelle l'humanisation du son. Tu vois, les guitares, l'humanité. Quand t'as une guitare sèche, toi qui es musicien, qui t'arrive aussi, des fois, tu sais quand tu changes les accords, les glissements. Ouais. Et il y a des fois, il faut les laisser, parce que ça, c'est un peu comme les craquements des disques vinyles, quoi. Il faut les laisser, parce que c'est le son réel, c'est le son qui est sorti tel qu'il était. Quoi. C'est propre de la vie. Les fleurs, des fois, poussent là où on ne s'attend pas. Ouais. C'est la musique, c'est pareil. Non, pour revenir au morceau de Yavanna, là, j'ai pris une claque de 2016. Ouais, il est vieux ce morceau, hein, Orion Lion, 2016. Il est sur l'album Retour à l'essentiel. Donc c'est l'album, de toute façon, il est magique. Il faut savoir que Retour à l'essentiel, il y a 22 titres et il a été fabriqué en 4 mois. 4 mois pour 22 titres, toute seule. Voilà. Toute seule. Tu vois, moi, j'imagine le temps qu'il a passé devant son écran. Quand j'entends ce morceau, j'ai l'impression que c'est une BO de série, quoi. Tu vois, c'est tellement abouti et énorme. Que il faut je vais que l'envoyer à Netflix. Hein. Ah non, mais, non mais je te jure, fais-le. Sincèrement, ça pourrait être une BO mais de film, de série, mais à 10 000 km. C'est laquelle, celle qui est après ? C'est quoi après ? Celle qu'on a calée après, je vais regarder. Jump Scare. Ah, Jump Scare aussi. Voilà. Tu sais, j'écoute pas trop de rock. J'en ai écouté évidemment dans mon passé, j'en écoute. Mais quand j'entends ça. J'ai envie d'écouter du rock. Alors, moi, je suis née dans le rock aussi à la base. Hein. Faut oui, savoir papa que... punk. Bah, ouais. Papa punk, les cousins, c'est les Burning Heads. Il y a JB. Voilà. Burning Heads, c'est quand même un des plus gros groupes là, punk au monde. Tu ouais, vois, c'est... Au monde, hein. C'est, ah, c'est au vrai monde, que... c'est international. Souvent, des fois, je suis à l'étranger et puis on parle comme ça. Brûlé. Ouais, ouais, les brûlantes. Les têtes brûlantes ou brûlées? Brûlantes. Ah, ouais, brûlantes. Burning, ça veut dire qu'ils sont en train de brûler. Ah, donc, ouais, ouais, c'est, ouais. Bon, c'est, peu non, importe, serait, mais dans les, tous les cas, c'est. Ça serait génial. Les Burned. Je suppose. Mon niveau d'anglais est très mauvais, mais je. Exactement, voilà. Donc, c'est vrai que des fois, je dis ouais, je suis, j'habite en France, je suis à Orléans. Ah ouais, il y a un très bon groupe là-bas. Souvent, c'est le groupe qu'on me cite, c'est souvent les Burning Heads parce qu'ils sont connus dans le monde entier, quoi. J'ai passé mon enfance sur scène avec eux, derrière, dans le rideau, à les regarder ou en coulisses avec eux. Bref, je raconterai pas tout ce qu'ils font. Ouais, ça t'a pas empêché de kiffer Britney. Voilà. Mais c'est ça que mon père, il a été dégoûté, c'est qu'à l'adolescence, je suis partie sur du Britney Spears. Ah, ça a été une fracture pour lui, ça a été horrible. Mais Britney, ça m'a tellement apporté. Hein. C'est là où j'ai appris la vidéo, c'est là où j'ai appris à créer un site internet, puisque j'ai créé la Britney France, la communauté à l'époque, validée par la maison de disques. Donc à 15 ans, j'étais déjà en relation avec les maisons de disques en termes de communication et tout. Donc forcément, ça donne des... Ça donne des comme on dit des bases, tu vois, pour ce que je fais aujourd'hui, hein. Moi réellement ça fait, j'ai quel âge, 34, bah ça fait 20 ans que je fais ça, ce que vous entendez. Donc, il y a quand même beaucoup d'expérience, tu quand vois, même, hein, voilà. T'es né dedans, donc du coup voilà. C'est un microcosme artistique au départ. Et, ouais, balance Jumpscare, tu vas voir la différence entre Jumpscare et Orion Lion, elle est énorme. C'est ce qui est bien aussi, justement, quand un artiste est capable de faire des choses différentes, c'est quelque chose de super. Quelqu'un qui fait toujours le même truc, alors ça j'aime bien aussi, il y a certains artistes qui ont fait un succès avec un morceau. Ils en sortent un deuxième, je dis mais attends, c'est la copie conforme du premier. Ça a été la même structure, le même truc, les mêmes. Oui. Donc au bout d'un moment, ça va. Et ouais, ils ont rien compris. Ça c'est les tubeurs. Il y a pas. Et quand ils font un truc ouais, en général, ça, ils ne marche choses. Jamais. Ça ne marche Jules, jamais. Jules, c'est bon. C'est génial, il fait beaucoup de choses, Jules, mais la base, elle est toujours quand même il la même. Moi, encore je suis plus énorme que Johnny, quoi. Bah c'est complètement ouf. Donc, ah ouais. Il fallait pas dire ça. Il fallait pas dire ça la semaine dernière, hein, parce que j'avais plein de gens qui étaient. ouais, non, mais attends. Moi, j'adore Johnny. Hein. Oh Marie, si tu savais. Tout le mal. Je crois que Johnny a versé un petit peu de l'enfance de tous les Français. Oh Marie, si je pouvais. Dans tes bras nus, me reposer. Ah, me reposer. Voilà, un petit clin d'œil donc à nos invités de la semaine dernière. Me ressourcer. ouais, ça pouvait passer aussi. Un petit clin d'œil donc aux invités de la semaine dernière. Je sais pas si vous écoutez, il y avait Jimmy Sugar qui était ici. Ma grande pote Jimmy. Ouais, il y avait t'aime, David McLean qui était là aussi. Ah oui. On avait aussi David Porcher, voilà, qui s'occupe de la radio. Il y a une radio web qui s'appelle 100% Johnny où il y a 80% en vérité de Johnny Hallyday, ce qui est énorme. Donc lui, c'est un passionné de Johnny Hallyday. Et on avait eu aussi au téléphone parce qu'il n'a pas pu se déplacer puisque ce soir c'est le concert de JB Tattoo. Donc on a discuté avec lui, qui lui reprend les phases B des 45 tours de Johnny Hallyday, des morceaux qui sont souvent passés inaperçus parce qu'ils ne sont pas dans les albums, ils sont dans les phases B. Je sais pas à qui appartient les droits, mais les gars, non mais c'est ouais, pas grave, mais bon, ils sont riches, ils envoient, ils sont riches, c'est quoi, c'est un mec qui fait de la scène, il fait juste de la scène. Ouais, il fait de la scène, il a pas sorti de trucs sur internet, c'est juste de la scène. Après il doit payer, si, il y a des vidéos, ouais, à mon avis il doit payer des trucs comme ça. Mais bon, après, s'il réunit aussi tous les passionnés de Johnny Hallyday, et on sait qu'il y en a beaucoup en France, ça fait longtemps, hein. Ouais. C'est après la Deuxième Guerre mondiale, les gens, ils ont accroché de... Tiens, j'ai été à Auchan et... Jean-Philippe Smet. J'étais à Auchan et ils vendent des magazines de Johnny Hallyday, avec une figurine, c'est-à-dire en plastique, hein, ouais, un truc qui doit faire 10-12 cm de hauteur, avec l'effigie de Johnny Hallyday, donc à l'époque des années 70 avec les cheveux longs blonds, là vers les années 2000 et quelques, avec sa petite barbe. Donc voilà. Même qui m'envie. Mais oui. Voilà. Johnny. Très bien. Bah, c'était bien de faire cette petite parenthèse. Tu regarde ton écran. Ah oui, Ouais, parce qu'en fait, ils nous voient pas, mais on a une vitre, hein. T'as l'animateur qui est d'un côté, et puis t'as les artistes qui sont de l'autre. Nous, on est la radio transparente. C'est-à-dire qu'on explique tout ce qui se passe. Voilà, mais dans les autres radios, on sait rien. On n'a rien à cacher. C'est bon, t'as vu mon petit message, parce qu'on s'écrit du coup aussi, je lui demande, en fait, de mettre James Care tranquille et tout donné qui sont dans le même album à la suite. Comme ça, parce qu'il faut qu'en même temps, l'émission va pas tarder à terminer. Ah oui. Moi, en plus, derrière, j'enchaîne à Bourges, j'ai 2 heures de route. Voilà. Donc, Ce qu'on va faire, on va écouter les morceaux. Tu veux nous parler des projets, parce qu'on a parlé de ta vie et tout ça. Et maintenant, on va parler de tout ce qui va se passer bientôt. Là. Alors, pour les gens qui veulent finit déjà Jumpscare Tranquille, tout donné. C'est des chansons qui sont sorties avec Étoile Contraire, donc l'album en 2020. Et après, on parle des projets, parce qu'on n'en a pas encore parlé. Ah oui, justement. Donc, le temps passe vite, et souvent, les artistes... Et en plus, j'ai plein de dédicaces à faire à mes petits fans. C'est pas des petits, hein, mais... Promis, je ferme ma bouche. Je sais pas comment les appeler. Moi, je dis plus rien. Souvent, les artistes, ils viennent, ils disent, mais 3 heures, comment on va faire pour tenir 3 heures? Et finalement, on arrive à la fin de 3 heures, on dit, on n'a pas tout dit, on a encore plein de choses à dire. Là, il y a quand même des beaux projets à dévoiler, donc... on peut mettre les 3 titres, Jumpscare Tranquille, tout donné. Place à la musique, on écoute tout de suite la musique et on se retrouve juste après les 3 morceaux à la même suite. Même si, même si le chemin est long, ne te retourne pas, avance sans jamais regarder derrière toi, poursuis les étoiles qui éclairent chacun de tes pas. J'en voulais me tête dévisser. Combien de taches de sang sur la tapisserie? J'ai touché la lune et je me sens plus vissée. J'ai peut-être tous les torts, mais j'ai aucun remords. Elle m'a jeté un sort, ça m'a rendu forte. Gros coup de pied sur l'accélérateur, les menteurs dans le rétroviseur. La tête comme une enclume, j'ai fait face à mes peurs. J'ai aiguisé ma plume et séché tous mes pleurs. L'union fait la force, mais qui fait l'union? Lumière, je m'écorche. J'ai les corses qui décrochent. Ma réalité n'a pas pris le dessus. Combien de personnes au final ai-je déçu? Même j'ai mis le pied dans la fourmilière et remué ciel et terre. Fait de ma vie un enfer. Bon, fais quoi? Si le chemin est long. Je veux que ma vie soit un poème, si dont l'univers en est le poète, si que mon étoile me dit je t'aime. Si le chemin est long, ne te retourne pas, avance sans jamais. de regard sur moi. Laissez-moi tranquille, tranquille. Je me tire en vague avec ma joie. J'ai assez fait le tour de ma ville. Sur une île où il n'y a que moi. Loin de tous les soucis. Danser avec les étoiles. Et reprendre goût à la vie. Et reprendre goût à ma vie. J'ai besoin de retrouver ma flamme. Voilà, Yavanna a tout donné, hein, trois morceaux à la suite, donc on a, parce qu'on a accéléré un petit peu, parce qu'on a plein de morceaux à diffuser, et puis on voit que finalement la fin de l'émission arrive très bientôt. Donc on remercie tout le monde de suivre cette émission depuis 19h, et elle se terminera donc exactement dans une demi-heure, donc ou alors si on n'a pas le temps, on dépassera quelques minutes, c'est pas bien grave, c'est à cause de Manu qui nous a piqué quelques minutes au début de l'émission aussi, voilà. Tout le monde déborde sur tout le monde. Et on est dans une radio, on peut se permettre quand même une petite liberté. Et c'est vrai que bon, on est radio associative, on n'a pas vraiment de publicité à passer à l'heure juste et tout ça, parce que il y a rien de pire que de couper une chanson en plein milieu. Donc nous, on laisse jusqu'à la fin, on aime bien écouter jusqu'à la fin des morceaux. Ça, c'est vrai ce que tu dis, parce que on m'a coupé deux fois cette année en plein concert sur des gros événements. En plein concert. Ouais, parce qu'on me demandait 50 minutes, moi j'ai calé 50 minutes et puis arrivé là, fallait faire 35. Donc on m'a coupé deux fois, si tu veux. Ah ouais. Donc, oui, je suis d'accord avec toi, faut pas couper les artistes. Bah, Il faut ou alors les prévenir à l'avance, voilà, une chanson, et puis des fois on dépasse un petit peu et puis voilà, allez, une chanson de plus, allez hop, c'est bon, on fait comme ça, quoi. Il y a ce truc là, on n'est pas non c'est plus ça. Non, mais il y en a certains, ils sont stricts. Après, tu sais, t'as les villes qui donnent un horaire, par exemple faut arrêter à 22h30, et malheureusement ils sont obligés de se faire par rapport à la ville, tu vois. Oui, il y a aussi quand il y a d'autres artistes, on sait très bien qu'il y en a d'autres qui vont venir. Si on prend deux ou trois chansons, il y a plusieurs artistes qui vont défiler sur le même podium. Voilà. Si chacun dépasse d'un quart d'heure, au bout d'un moment, le dernier va chanter en plein milieu de la nuit, il y aura plus personne. Donc ce qu'il faut, c'est essayer de respecter les horaires. C'est bien prévoir le truc. Mais à la base, on n'est pas 5 minutes non plus, il faut quand même pas. Voilà. Alors, ouais. Jumpscare. Jumpscare. Jumpscare, c'est le saut de la peur. Ouais. Jumpscare, ça a été le premier titre que j'ai vraiment refait après avoir été épileptique. Tu vois. D'accord. C'est le son qui dit je suis de retour. Tu vois. Mm-hmm. Voilà. Je rebondis. Je rebondis. Tu rebondis. Et après, donc. Tu es prête à faire le grand saut. Voilà. Tranquille et tout donné était déjà sorti sur les réseaux. Mais ils font partie aussi de l'album Étoile Contraire avec Jumpscare. Mais Jumpscare, c'est vraiment le titre qui a lancé l'album Étoile Contraire. Je ne pensais pas qu'il sortirait un jour cet album, puisque je l'ai écrit en 2018. 2018, je suis devenue épileptique, j'ai tout arrêté. Et 2020, la grande surprise, l'album sort avec Jumpscare. Donc, génial, quoi. Fabuleux. Magnifique. Tout le suspense artistique. Et c'est quoi la prochaine que tu as dans Donc après, attends que je retourne dans mes fichiers. Donc c'était Jumpscare, Tranquille et tout donné. Voilà, ouais. On les a mis dans cet ordre-là. Et après, tu as quoi Juste après, il en reste encore d'autres, mais je suis obligé de m'éloigner du micro. Voir un petit peu posséder la tête, la tête dans les étoiles, c'est ça? Voilà, donc là on va parler du prochain album. Et juste chanter, voilà, il y a encore ces morceaux là et après on pourra encore rediffuser le premier morceau qu'on avait passé au début de l'émission qui s'appelle Tempo. Voilà. Le nouveau single. Donc là on va vraiment parler du projet futur. Mm-hmm. Alors, Posséder, c'est quoi cette chanson Posséder? Donc ça parle de crise d'épilepsie. D'ailleurs, je voudrais faire une petite dédicace à Jérémy qui nous écoute, qui est épileptique aussi, mais il vient de se faire opérer du cerveau et apparemment c'est une très bonne alternative. Donc gros bisous Jérémy, merci à toi de me suivre. Donc Posséder, elle a été écrite en pleine crise, c'est-à-dire que je me suis réveillée d'une crise d'épilepsie, mon PC était allumé, j'avais juste à appuyer sur le bouton play, elle était préenregistrée, il y avait une maquette, elle était écrite et composée, parce que c'est une composition. J'ai pas compris ce qui s'était passé. Mais en l'écoutant plusieurs fois, je me suis dit, je pense que la crise me parle en fait. Voilà, donc cette chanson, elle est vraiment magnifique. Je suis désolée, je la trouve magnifique aussi en tant qu'artiste. Hein. Tu es pas la seule. mais voilà, c'est une chanson plein d'émotions où c'est la crise qui me parle. Et c'est le premier single du prochain album qui s'appelle Orientation. Et pourquoi le prochain album s'appelle Orientation? Bah parce que c'est tous les chemins d'Orion depuis 2012 maintenant qui m'ont mené jusqu'à là. Et cet album va vraiment parler de tous les choix et de toutes ces petites coïncidences ou signes ou j'en sais rien qui m'ont amené bah, être là devant toi, par exemple. Mmh. Tu vois. En effet. Voilà, donc on peut écouter Posséder si tu veux, puis mais après, on parlera des autres. Le fait d'être devant moi, c'est pas une fin en soi. Hein. J'espère que tu vas revenir et que tu vas aussi rencontrer d'autres gens. D'ailleurs, on va en parler de tes projets, les prochains concerts. Non, mais ça et fait tout ça. Partie des petites voilà. étoiles qui amènent à la consécration finale, tu vois. Donc je sais pas encore où je vais, mais ça devient plus clair, en tout cas. D'où cet album Orientation, parce que je sais un petit peu où je vais. Alors, dans le clip Tempo, on voit bien, je marque « Je suis d'ailleurs hein. ». Bon, après, c'est une philosophie. Hein. Moi, je suis dans ma philosophie. Et puis, on va voir où ça mène. Mais c'est très sympa, en tout cas. Avant, on disait que tous les chemins menaient à Rome. Et en fait, tous les chemins mènent à Orion. Voilà, parce que Rome, je ne vais pas en parler, mais l'Empire romain, nada pour moi. D'ailleurs, vous pouvez écouter 888. Qui est une chanson que vous pouvez retrouver sur YouTube. Vous tapez Yavanna 888. Vous comprendrez pourquoi je déteste l'Empire romain. D'accord. C'est mêlé d'histoire, de philosophie, de tout un tas de choses. Et c'est très, il y a de la culture en fait. Hein, mythologie, spirituelle. Ouais. C'est surtout moi, ma philosophie est basée sur la mythologie, puisque Yavanna, c'est Tolkien qui a inventé ce personnage-là. C'est la déesse de la nature. Et en fait, elle a créé la végétation, la lumière sur Terre. Elle a créé l'arbre d'or et l'arbre d'argent, donc la lune et le soleil. Mmh. Le en poulet chantant. Fermier aussi. Le poulet fermier. C'est la nature. Il traînait sous l'arbre, tu vois. Ce qu'il faut appuyer, c'est que Tolkien, il a écrit ça et que son personnage a chanté pour créer l'arbre d'or et l'arbre d'argent. Oh, Yavanna, d'accord. C'est une chanteuse, en fait. Mm-hmm. Et Yavanna, vous tapez Yavanna sur Google, vous regardez dans images, bah vous allez voir tous ceux qui la dessinent, en fait, la dessinent rousse. Enfin, c'est assez bizarre. Elle me ressemble, en fait. C'est ça qui d'accord. Je peux me permettre de te poser une question. Qui t'a baptisé? C'est mon papa. Voilà. Donc ça remonte. Ouais. Alors, à la base, je vais m'appeler Galadriel, qui est aussi, c'est la déesse des beau. Elfes. Dans l'univers de Tolkien. Et en fait, ma maman a dit, bon, bah, à l'école, ça risque d'être difficile à porter. Donc, ils ont ouvert le livre qu'on voit dans Tempo au début. Ah oui, dans le clip. Voilà. Ouais, et ma maman, enfin, c'est à deux qu'ils ont choisi, mais ma maman est tombée sur le prénom Yavanna directement en ouvrant, en fait. Et elle a dit, bah, ça sera un petit peu plus agréable à porter. Et mon papa, du coup, fan de Tolkien, il a dit, bon, on l'appelle Yavanna Galadriel. Allez, validé. Moi, ce que j'aime bien dans le contenu que Yavanna propose, c'est toute cette féerie, tu vois, du jeu. Avant de naître, on me baptise, je suis, je deviens. Tu vois, elle se transforme, elle évolue. Elle se rappelle de son passé, de ses origines. Non, je trouve que c'est une artiste accomplie, quoi. Ça, c'est une vraie légende. J'ai envie de te dire merci. Franchement, merci. C'est digne d'une légende, voilà. Franchement, ouais. Incroyable. C'est plus qu'une simple chanteuse. Non, c'est au-delà. Hein. Mais non, mais parce que c'est vrai qu'il y a la simple ghost chanteuse qui vient, qui chante. Il y a pas de souci, hein, elle chante. Ouais. Hein. C'est chanteur fantôme. Mais elle incarne, tu vois, tout cet esprit. Chanteur fantôme, ça, je retiens ça parce que j'aime bien ça. Ce truc-là. Effectivement, il y a des gens, il n'y a pas d'esprit, ils chantent et voilà, ils chantent. Les notes, elles sont justes, le tempo, il est bon, mais il manque quelque chose, on ne sait pas quoi. Il manque l'esprit. Et des fois, tu vois des chanteurs ou des musiciens, qui, la note, elle n'est pas juste, oui, le glissement, bah, Gainsbourg. Mais il y a le. Gainsbourg. Voilà. Gainsbourg, moi, je pense aux grands musiciens. Renaud Gainsbourg. Les grands musiciens de jazz aussi, qui avec leur voix, ils ont quelques accords, hein, simplement, ils les font glisser, ils passent de l'un à l'autre, ils ont une manière de jouer, de mettre leur voix dessus, tu dis, ah ouf. Et là, il n'est pas parti pile, il a décalé quelques. Surtout dans le jazz. Oh là là, c'est dans le jazz. Le jazz, ouais, non, mais c'est ça. Ah ouais, non, mais. C'est là que tu te dis, waouh, mais bah le truc, il est là, quoi. Il faut avancer le schmilblick, quoi. La musique. Bah oui, la musique, elle n'arrêtera jamais. Et posséder, c'est un peu ça, parce que posséder, il y a beaucoup de notes fausses, malgré tout. Mais j'ai gardé l'enregistrement un peu de base. Bon, j'ai refait certaines notes parce que c'était vraiment cata, mais il y a beaucoup de passages où c'est l'enregistrement où j'étais en crise, en fait. Ah ouais, Donc c'est pour ça que cette chanson, elle est sur un fil d'émotion parce que elle s'est passée en pleine crise d'épilepsie. Tu te rends compte, elle t'explique que c'est un peu décalé, mais qu'elle le laisse parce qu'elle était malade à ce moment. Non, mais c'est magnifique, mais c'est génial. Et cette chanson, du coup, bah, tu vois, c'est vraiment le truc qui te relève. Tu vas mal, tu crées. Et puis d'un coup, tu deviens marraine d'Épilepsie France. Tu fais des shows de fou grâce à cette chanson. France Bleu, France 3, enfin Énergie, toutes les... Tu sais, le petit truc quand t'es artiste et puis tu vas atteindre. Eh ben, posséder m'a donné accès à tout ça, en fait. Et c'est là que tu dis, ben, en fait, heureusement que je suis devenue épileptique. C'est un mal pour un bien, comme voilà, on disait. Voilà, c'est ça. C'est heureusement que je suis devenue épileptique. Donc, merci, la vie, merci. J'avais besoin de ça, moi. Non, mais c'est vrai toute épreuve, finalement, te rend plus forte. C'est-à-dire que tu as eu ce truc-là, tu dis, voilà, ça m'a arrêté dans ma vie, et finalement, ça te donnait un rebondissement encore plus fort que tu n'aurais pas eu si tu n'étais pas passé par cette épreuve. Non, c'est non. Une épreuve. Les épreuves, c'est un peu comme on parle des jeux vidéo. C'est pareil, il y a un truc, on passe en telle épreuve, on la loupe, et un jour on la passe, et là, hop, nouvelle dimension, et ainsi de suite. Donc c'est un peu pareil, quoi. La vie, je crois que c'est ça. Hein. C'est ça. On écoute le morceau ? Allez, c'est parti. C'est parti. Quitter la terre, quitter la terre. Dans Voilà, on revient dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. On vient d'écouter une bien jolie chanson. Elle s'appelle Le Possédé. C'est Yavanna et c'est notre invité de cette émission numéro 517. Et on vient de parler de cette formidable chanson. Alors là, ça me fait un petit peu drôle parce que c'est la première fois, je crois, en 13 ans d'émission, que je fais l'émission avec deux personnes qui sont dans le noir complet. Vous êtes dans le noir. Ouais. C'est ouais, parce sérieux. Qu'on a trop de lumière en nous, du coup, tu vois, on peut pas. Non, je rigole. C'est vrai que je vous vois, mais habituellement, c'est éclairé. Vous avez bon, on a toujours rien à cacher dans l'émission. Hein, donc on explique ce qu'on voit. Ouais, c'est-à-dire que moi, je suis éclairé de mon côté. J'aime pas la lumière artificielle. Et vous avez la lumière, finalement. En contre-jour. En contre-jour. C'est-à-dire que moi, je suis de l'autre côté de la vitre. De mon côté, c'est éclairé. Et vous êtes finalement en contre-jour. Je vous vois mal. Mais je vous ressens. On fait vraiment de la radio. On peut fermer les yeux. Si on ferme les yeux, on fait beaucoup plus attention à ce qu'on entend. Hein. C'est ça, donc ça aide aussi à faire une bonne émission de radio comme ce soir. Hein. Plein de choses à dire. Je crois qu'on va arriver à la fin. On n'aura pas fini de tout dire. Bah ouais. Non, parce qu'il reste 15 minutes et on n'a rien dit. mais on va dépasser un petit peu. C'est pas bien grave. Hein. L'important c'est qu'on dise ce qu'on a à dire. Yes. Donc Yavanna, t'as plein de choses à me dire. Vas-y. Bah, la parole est à toi. Possédé. Voilà, on vient de l'écouter. Alors pourquoi je l'ai appelé possédé ? Parce qu'on peut se demander, hein, on n'est pas forcément possédé, c'est pas, il n'y a pas un démon en nous à ce moment-là, mais on pourrait le croire. Et il faut savoir qu'au Moyen-Âge, par exemple... Bah, c'est comme ça qu'on expliquait pas mal de maladies mentales et de crises, tout ça. On disait possédé. Ouais, voilà, ils sont possédés, ou alors c'est des sorcières, on les brûle. Il y a beaucoup d'épileptiques qui sont fait brûler à l'époque parce qu'ils rentraient dans des sortes de phases incompréhensibles. Et donc, voilà, je l'ai appelé possédé parce que les premiers temps, en fait, quand je faisais mes crises, je me levais d'un coup, apparemment, de ce qui m'a été dit. Mmh. Et je disais aux gens, je vais tous vous tuer, ou je disais des trucs, mais jamais j'aurais pu dire, tu vois. Mmh. J'étais vraiment dans une phase, une épilepsie violente, hein, très violente. C'est les nerfs qui fonctionnent et toi, tu contrôles plus rien. Très, très voilà, violente, et puis tu te souviens de rien, en fait. Mmh. Donc, voilà, je l'ai appelé possédé parce que. Quand ça arrive, je me sens vraiment plus du tout moi-même. Voilà. Mmh. Pour clôturer le sujet. Oui, oui. Ça moi, j'ai déjà été confronté à plusieurs crises comme ça avec des personnes. Et bon, au début, j'étais surpris, mais finalement, j'ai compris le truc. C'est quelque chose de compliqué. Hein. La personne elle-même ne comprend pas ce qui lui arrive. Bah, hein, t'as l'épilepsie convulsive, ce que la plupart des gens pensent. On sait que c'est une épilepsie quand il y a des convulsions. Mmh. Mais t'as beaucoup de formes d'épilepsie qui n'ont pas de convulsions. Mmh. Moi, maintenant que j'ai mon traitement, quand je fais une crise d'épilepsie, j'ai pas de convulsions. Par contre, je vais te regarder. Et t'auras beau me parler, je vais te parler dans une autre langue, ou alors je vais m'allonger, je vais avoir plein de sueur, etc. Mais je ne ferai pas de convulsions puisque j'ai un traitement, tu vois. Tout à fait. Ouais. J'étais à la convention Épilepsie France, il y a eu beaucoup de témoignages. T'en as aussi qui se lèvent, qui se dénudent et qui se masturbent. Ça, c'est aussi des crises d'épilepsie, tu vois. Il y a tellement de formes de crises d'épilepsie que. Tu peux pas savoir si quelqu'un il est épileptique ou s'il est complètement fou. Ouais, en fait, tu vois, comme c'est neurologique et que des neurones, il y en a des milliards dans la tête, il doit y avoir des milliards de formes de crise en fait. Il y a beaucoup d'épilepsies très très très différentes. Peut-être vécues différemment. Tout ce qui est psychiatrique, c'est vrai que c'est pas facile parce que les mêmes symptômes peuvent avoir des conséquences complètement différentes. Voilà, et les causes et les conséquences ne sont pas forcément liées. Et donc c'est quelque chose de, il y a pas un cas de, par exemple, de dépression. Moi j'étais resté sur le cliché de la crise classique. Oui, c'est vrai que c'est pour ça que j'en parle en fait beaucoup. Et convulse, et elle va avoir les yeux qui se retournent, elle va faire des tremblements, genre elle va être complètement crispée, tu vois, avec une crise tonique, tu vois. Ou elle peut même se mordre la langue et se blesser d'autres personnes. Moi, souvent, aussi, me blesse, par contre. En fait, ce qu'il faut faire quand quelqu'un a une crise d'épilepsie... C'est le protéger et protéger les autres. C'est la première chose qu'il y a à faire. C'est surtout le laisser respirer. Oui. Retirer tout ce qu'il y a autour. Ouais. Ne pas toucher à la personne. Ouais. Et ne rien mettre. Faut pas mettre son doigt dans la bouche. Faut pas essayer de lui garder sa langue. Si tu peux glisser un petit oreiller sous la tête. Rien du tout. Enfin, oui, toi, t'es ambulancier. Ouais, donc, c'est ce qu'on nous a appris. Oui, et puis après aussi, leur parler calmement, essayer de les calmer. C'est... Bah, t'es sur une phase faut laisser. Après, t'as une phase où ça redescend. Oui, ça redescend. Au moment où ça redescend, voilà. Tu peux rassurer la personne. Il faut surtout la rassurer. Voilà, parce que pendant ce moment-là, elle est paniquée. C'est pas ce qui lui arrive, en fait. Parce que Youss, faut savoir qu'à côté d'être un artiste, c'est un sauveur aussi. Non, mais c'est vrai. C'est un grand mot, mais ouais. C'est vrai. C'est pour ça que t'es dans mon clip aussi possédé, ouais, parce que je voulais faire honneur à vos métiers qui nous sauvent la vie. Hein. Ouais. Moi, le jour où j'ai fait l'AVC en voiture avec cette grosse crise d'épilepsie qui a duré plus de 15 minutes, d'après tout un tas d'éléments, 15 minutes de crise, c'est énorme. J'aurais pu vraiment y laisser la vie ce jour-là. D'ailleurs, je pense que je suis morte, parce que je me souviens. C'était... Bref. Heureusement qu'il y avait la police et les pompiers. Et le policier, je lui ai mis je sais pas combien de coups de poing avant de comprendre, tu vois. Enfin, ouais, mais bon, je pense qu'ils sont quand même, confrontés à pas mal de cas comme ça. Et bon, ils comprennent très bien, voilà. Je suis sûr qu'il t'en veut absolument pas, le pauvre policier. Non, parce que moi, en plus, après la phase violente, j'ai une phase très très drôle d'épilepsie. Ah ouais. Ça fait rire les gens. Par exemple, un jour, j'étais à Noroto, je fais une crise d'épilepsie, j'étais venue avec quelqu'un. Il n'avait pas ma voiture. Je sors du camion des pompiers. C'est quand ils t'ont donné la facture que tu as fait une crise? Non, je ne sais même plus pourquoi on y était. Parce que le problème, c'est que je perds beaucoup de mémoire. Mais je sors du camion des pompiers et je cherchais ma voiture partout. Partout. Mais j'étais stressée. Mais je ne voulais même pas rentrer chez moi parce que j'étais sûre que ma voiture était sur le parking. Et en plus, ma voiture, je lui donnais un nom très, très drôle. Je ne me rappelle plus. Mais je voyais tout le monde mort de rire. Et puis moi, je ne comprenais pas. Mais je dis, mais pourquoi vous rigolez? Mais ma voiture, elle était là il y a 5 minutes, tu vois. C'est incroyable. Ouais, en tout cas, le morceau possédé, c'est une dinguerie. Elle est marraine des épilepsies. Enfin, Épilepsie France Loiret, oui. Voilà. Grâce à Philippe Moreau qui a vu le clip et qui est venu me chercher, qui m'a dit voilà, faut qu'on fasse quelque chose, parce que il n'y avait pas de section dans le Loiret Épilepsie France. Donc du coup, Philippe avec Donia et j'ai oublié le nom de la troisième personne, toutes mes excuses, mais ils ont créé la Épilepsie France Loiret, et du coup ils m'ont demandé d'être marraine. Magnifique. Pour qu'on puisse en parler un peu plus et désinhiber aussi cette peur. Le texte, moi, quand je l'écoute Albino, c'est qu'en fait, il y a un double degré où elle possédait, quand elle parle du Moyen-Âge et des gens qui ont été brûlés parce qu'ils réagissaient d'une manière neurologique et qu'ils ne savaient pas, les gens à l'époque, etc. Ça emmène encore le texte encore en plus en hauteur dans d'autres trucs, tu vois, tu pars dans tous les sens. C'est là où c'est intéressant, on ne s'arrête pas qu'à la maladie, on est aussi dans peut-être un état d'esprit, tu vois. Et je trouve que c'est un morceau magnifique, quoi. Non, mais encore une fois, même dans l'histoire, il y a eu des erreurs. Hein. On disait qu'il était possédé, on le brûlait, on disait que c'était sorcière, etc. Ouais. Donc aujourd'hui... comme quoi l'ignorance amène à des bêtises. Le fait d'aujourd'hui d'être un peu plus au courant des maladies, des choses comme ça, bon, ça nous permet de mieux comprendre et de mieux réagir, comme il faut. J'ai même envie de te dire, si on parle d'équilibre, trop d'infos tue l'info, là on est dans l'ère de l'information, mais ça n'empêche pas qu'il y ait des gens qui sont complètement cons, qui ne savent rien. Ah ouais, moi je écoute des choses. Mais aujourd'hui, on n'a jamais lu de livres. Explorer des vrais albums à l'époque, hein, tu vois. C'est qu'il y a trop d'informations. Il y a trop d'infos. Tu peux pas aussi aller. De nos jours, comment tu veux en une vie? Ouais. Avec Google et tout cet accès. Trop de contenu. Tu sais même plus. C'est trop. C'est comme les événements, tu vois. Pourquoi il n'y a personne au concert? Parce qu'il y en a trop aussi. Alors qu'avant, nous, on allait chercher l'info. On allait chercher le vinyle, la cassette, le son. Voilà. Et on fouillait. On aimait quelque chose, on allait, tu vois. Et ça a donné cette envie de sortir de chez soi, d'aller rencontrer des magasins, des gens, etc. Ah non, tu restes devant ton PC, t'as tout. Tu commandes tout sur ton smartphone. On entend un truc à la radio, on l'a aussitôt. On le télécharge, on l'a. L'époque a changé. Et qu'est-ce qu'on fait? On le met dans notre smartphone, on l'écoute quelques fois, et puis après, on l'oublie. Des fois, moi, je retrouve des fichiers. Alors, Alors, bon, moi, c'est vrai que je conserve beaucoup de choses, je les casse et tout ça. Et moi, j'aime bien justement rechercher des choses, par exemple, que j'ai écoutées, les retrouver, les réécouter une ou deuxième fois et tout ça, et essayer de pas oublier, de stocker ça de manière à pouvoir les retrouver assez rapidement. C'est ma manière à moi, parce que c'est vrai aussi, je gère beaucoup de fichiers de plein d'artistes, ils me laissent souvent leurs albums, donc je veux les retrouver assez facilement. Et par exemple, quand je reçois des artistes, je veux en parler d'un autre, que je puisse le trouver assez rapidement. Donc j'essaie de les classer et tout ça, c'est artiste par artiste. Ouais, donc mais c'est un vrai trésor que j'ai, parce que les artistes me confient aussi leurs morceaux et que je diffuse avec beaucoup de plaisir, hein. Mais le jour où t'as un problème sur ton disque dur, bah c'est de la data, c'est pas de la c'est rien, en fait, c'est de la data, c'est de la poussière, tu vois, c'est même pas de la poussière d'étoile. C'est donc on s'en protège, hein. Ça remplacera pas le bon vieux. Moi j'ai, tu sais combien j'ai des disques durs à la maison, maintenant j'en ai acheté un l'autre jour, je crois que j'en ai 17 qui comportent ma vie, tu vois. Ne t'inquiète pas, je dois avoir beaucoup plus que toi. Non, parce que toi t'es photographe, tu vois ce que je veux dire. J'ai des photos, des j'ai disques des disques mous. Vous avez des disques mous, ils sont où? Attention, parle pas de mous et dur, parce que moi je vais penser à d'autres trucs après. Des SSD, ça nous emmène. Voilà, c'est ça. Alors après, c'est quoi La Tête dans les Étoiles, je crois. La Tête dans les Étoiles. Donc le morceau suivant, tu veux nous en parler tout de suite? Oui, alors après Posséder, je me suis dit OK, j'ai La Tête dans les Étoiles, c'est pas grave, tu vois. On va faire quelque chose de bien. Et puis La Tête dans les Étoiles, en y pensant, je me suis dit c'est quoi avoir La Tête dans les Étoiles? C'est quoi être une star? C'est quoi signer avec un producteur? Est-ce qu'on se fait arnaquer? Est-ce qu'on donne sa vie, tu vois? Et puis j'ai un peu mis tout ça en forme. Puis ça a donné une chanson qui est très très parlante, surtout avec le clip. Parce qu'en fait, La Tête dans les Étoiles, c'est je vais signer chez un producteur qui m'a dit voilà, ça va marcher, ça va percer, là on est bon et tout ça. Il m'a dit c'est impossible que tu le fasses toute seule, donc viens signer. Donc le clip, je vais signer chez le producteur. Puis arrivé là, au moment de signer le contrat exclusif, tu sais, il me tend un crayon et une capote. Voilà, pour me dire ça c'est une histoire vraie. Non, c'est pas une histoire vraie, c'est le clip, c'est le clip. Mais je pense que ça pourrait être. Mais je pense que c'est pas trop déséloigné de la tellement réalité, réaliste. Tu vois. Et au moment de la capote, en fait, il me regarde et il commence à me toucher le visage, etc. Et là, je comprends qu'en fait, je pourrais pas signer si je couche pas avec. Ouais. Donc, je fous le contrat dans la tronche, voilà. Et puis, je vous laisserai voir la fin du clip parce que je vais pas tout dire non plus. Mais La Tête dans les Étoiles, c'est ça. C'est quoi être une star? Est-ce que c'est être une étoile ou est-ce que c'est vendre sa vie? Voilà. C'est ça, c'est la question. Donc, on écoute tout de suite. Si tu me suis, advienne que pourra qui vivra verra. Ouais, plus rien à perdre, j'ai déjà tout misé dans les étoiles. Eh, j'ai pas besoin qu'on valide, pas besoin qu'on valide, non. J'ai pas besoin qu'on valide, pas besoin qu'on valide. Étoiles. Voilà, moi j'avais pas mis mon casque, alors du coup, comme on a une console qui est très très professionnelle, donc dès que j'appuie sur les micros, bah, y a plus de son de mon côté, donc j'avais plus rien, je dis, mince, j'ai oublié de mettre mon casque sur la tête. Donc heureusement, tu as pris le relais et puis tu as donc annoncé ce morceau qu'on avait déjà annoncé avant de le diffuser, mais donc La tête dans les étoiles, un très beau morceau, hein, très agréable à entendre en tout cas, Yous. Lui, il a la tête dans les étoiles. Il est conquis déjà. Non, là, je prends une claque. Bah, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé avec Yous, et en fait, il m'a surtout connu après l'épilepsie. Donc, il a connu une YAV un peu particulière qui est en reconstruction. Ouais, c'est vrai. Voilà, maintenant, j'ai appris je tout ça. T'es pas arrivé au meilleur moment. Ouais, t'es pas arrivé au meilleur moment. Maintenant, tout ça, ça a évolué. Et puis La tête dans les étoiles, bah, je voudrais remercier Walid aussi qui a fait un clip magnifique. Walid, c'est un professionnel qui travaille avec Soul King, qui travaille avec je sais plus, enfin j'ai pas tous les noms des rappeurs. C'est énorme la liste. Voilà, les rappeurs d'aujourd'hui, elle est énorme, mais Walid, voilà, c'est un mec qui fait des super clips et voilà, il m'a dit, écoute Yav, vas-y viens à Paris, on va faire un truc, et puis voilà, dans son studio à Paris, ils font vert, font noir. J'ai découvert un autre univers, même dans la vidéo, tu vois, et il m'a fait beaucoup évoluer aussi en vidéo. Donc, merci Walid et Goliath Production. Voilà, Production. J'aime bien les gens qui remercient d'autres personnes, parce que c'est vrai que si on se construit tous les jours, c'est grâce aux rencontres qu'on fait avec d'autres personnes. Ouais, et donc, souvent, je suis toute seule à faire. Mais finalement, beaucoup de choses. Enfin, c'est parce que je fais beaucoup de choses à la maison, mais il y a quand même du monde autour qui m'aide quand même. On peut pas faire ça tout seul, il faut évoluer, il faut du partage, il faut des rencontres. Ouais, faut pouvoir déléguer aussi, parce que on est un petit être humain, tu vois, avec toute sa faiblesse physique, tu vois. C'est de voir qu'est-ce que ça donne avec une équipe, parce que toute seule c'est bien mignon, mais qu'est-ce que ça donne en collectif, tu vois. En fait, il y avait une phrase qui disait que tout seul on va vraiment vite, mais à plusieurs on va beaucoup plus loin. Ouais, c'est beau ça. Mm-hmm. Ouais. Et après, c'est pareil. Moi, il y a beaucoup. Actuellement, c'est même une tendance. C'est-à-dire que moi, je connais beaucoup de groupes qui des gens qui ont joué dans beaucoup de groupes et tout ça, et que petit à petit, maintenant, ils disent maintenant, je fais tout seul. Ouais. Parce que c'est compliqué aussi. C'est quelque chose de difficile à garder. Surtout des de bons nos jours, rapports. Hein, le collectif. Ouais, ouais. C'est-à-dire de tout le monde veut un peu se détacher du truc, et finalement, tout le monde veut être dans son jouer pour soi, et puis finalement. C'est un petit peu dommage. Je rebondis par rapport à ce que tu dis. Effectivement, il y a une phrase qui disait on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mais je reprends le biopic de Ray Charles. Il faut regarder le film qui est énorme, tu vois. Ray Charles, regardez-le, ce biopic, il est énorme. Grand monsieur. Et à un moment donné, Ray Charles, il découvre le multipiste. Mmh. Il galère avec les choristes parce qu'elles n'arrivent pas à faire les notes justes et tout ça. Il dit, hop, il y a un multipiste, je vais faire les voix moi-même. Il dégage les choristes, en fait. Et du coup, tu vois, c'est lui qui fait les chœurs, en fait. Parce qu'il y a le multipiste qui lui permet de faire les chœurs et donc de pouvoir enregistrer en deux temps, trois temps, ce qu'il pouvait pas faire avant, puisque techniquement, il était bloqué, être en live, en fait. Et donc, il fallait qu'il les fasse les répéter. Donc, c'était une tare, en fait. Et quelque part, à un moment donné, oui, tout seul, on va un peu plus vite. À un moment donné, on sait où on veut aller. Et puis des fois, y a un échange qui se fait avec des gens. Et puis voilà, c'est encore une affaire d'équilibre. Il y a des gens, des fois, ils sont pas dedans. Toi, t'estimes qu'ils sont pas dedans. Eux, ils pensent qu'ils sont dedans. Enfin, et après, il y a une affaire de perception aussi. C'est celui qui voit le 6 et puis celui qui voit le 9. Exactement. Complètement. C'est image. Ouais, c'est un peu ça. Donc, c'est d'où la difficulté de travailler avec des gens. Donc, à un moment donné, voilà, il faut aussi mettre de l'eau dans son vin, pouvoir laisser aux gens le temps de respirer, de peut-être de faire leur crise. tu vois, épilepsie voilà. ou pas, tu vois. Ouais, mais, crise de tout genre. Hein, non, c'est mais vrai. Tu vois, c'est, ouais, à un ouais. moment donné, c'est aussi ça, c'est de prendre aussi la mesure du terrain, parce que t'es dans tes objectifs artistiques, machin, t'es speed et tout, mais à un moment donné, il faut aussi pouvoir prendre le temps de se poser, pouvoir faire les choses bien. Puis des fois, bah, en deux minutes, il peut se passer un truc magnifique que t'aurais jamais fait en six mois, tu vois. Ouais. Et... Bah, comme créateur des sports, elle est née en non, mais créateur dix minutes. Sports, on était dans un studio, Émilie a balance le son, parce qu'elle est compositrice, Émilie, Timmy Beats, d'ailleurs, que je fais un gros bisou. Ouais. Timmy Beats, pardon. Et elle a balancé le son. Lui, Yous, il s'est mis à faire des vocalises. Moi, j'ai fait créateur d'espoir. Et puis lui, c'est... il s'est mis yeah, yeah. On est parti sur oh là là, trop, ça, trop beau derrière. J'espère qu'on pourra le finir mais et oui. le passer sur. Mais sur, si on se voit, c'est aussi pour ça. Ça, ouais. ça, c'est des moments magiques ouais. où les choses se goupillent bien du premier coup et puis ça marche. Ouais, et puis d'autres fois, morceau, on essaie de construire des c'est trucs. C'est le morceau de notre vie. Et on n'arrive pas à assembler deux briques l'une c'est... derrière l'autre. Et d'autres fois, tout se fait d'un coup, quoi. Voilà. Donc, bah, formidable. Donc, et on diffuse le prochain morceau, donc. Ouais, juste chanter. Parce juste que chanter. À la base, moi, je voulais juste chanter. Tu ouais. vois, je l'explique tout dans la chanson. Tu nous l'avais expliqué déjà au début de l'émission. On avait déjà parlé un petit peu de cette chanson-là. Au début, c'est juste chanter, voilà. Et puis aujourd'hui, il y a plein de choses qui te poussent. Malgré toi, hein, c'est-à-dire à continuer et tout ça, parce que finalement, et bon, c'est aussi la rançon du succès, comme on disait tout à l'heure aussi. Donc, juste chanter, c'est ce que tu voulais à la base. C'est aujourd'hui, ça. Ben, j'espère que beaucoup de gens sont contents que tu continues à chanter, parce qu'il y a beaucoup de gens qui te suivent. Même s'ils sont pas contents, c'est pas grave. Le truc, c'est déjà de bon. On peut jamais plaire à tout le monde, mais ce qui compte, c'est d'avoir des gens. Qui voilà. t'apprécient, qui aiment ce que tu fais et qui te suivent. Ah bah voilà, des haters, il y en aura toujours. Il y a toujours des gens qui distraient les autres personnes. Ça fait partie. Mais c'est ce que je te disais avec la dualité, c'est justement ces forces, bien le mal, tu vois, qui s'équilibre à un moment donné. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui l'aiment que de gens qui la détestent. Tu vois. Ouais, je pense aussi. Sûr et RAF. Ah ouais, rien à foutre. Ah, pas mal. Ah, traduis pas. Ah bon, j'en ai appris. Je croyais que c'était la Royal Air Royal... Force. Voilà, c'est ça, t'as raison. C'est Royal Air Force. Tu t'as pris l'avion, tu sais, t'as filé à l'anglaise. C'est parti, on écoute. Je me suis réveillée, des notes sortaient de mes pensées. Alors bah j'ai pris mon clavier et mes mains se sont mises à jouer. Fini les jeux vidéo, je prends quelques feuilles et un stylo. Premier texte, première compo et je me suis mise à viser haut. Fini les ciné, resto, faire un album c'est du boulot. Mixer studio vidéo, moi ce que je veux faire c'est des concerts. Mais ça c'était dans ma tête, écrire, trouver des repères. Je pensais pas que c'était possible. Réaliser impossible. Premier album, premier retourné. Des likes, des vues, j'ai cerveau retourné. Dans mon studio, j'avais pas pensé. Moi je voulais juste chanter, juste chanter, juste chanter, juste chanter, juste chanter, juste chanter. Magique, sans contact et un paquet de fric. Tes rêves sont antipathiques. Après tout ça, j'ai compris que j'aurais dû rester dans mon lit. Heureusement, y a le public. Toi qui me suis, je te remercie. Combien d'erreurs, combien de folies. Mille et une heures, plus d'une mille et une nuits. J'en ai rêvé, mais là, pas du gars m'en a éloigné. J'suis pas une boîte à billets, ni un mensonge maquillé. J'ai rien de particulier. Moi, je voulais juste chanter. Juste chanter, juste chanter, juste chanter. Just chanter, just chanter, just chanter. en plus, comme dirait juste chanter. DJ Khaled, another one. Encore un de plus. Ouais. Et un de plus, voilà. On arrive bientôt à la fin de cette émission. Ça fait une de plus aussi, hein, 517. Ah oui. Voilà, ça commence à faire un nombre assez conséquent. Et on est le 2, j'avais pas vu. Bah voilà, c'est pour ça que je suis là. Cette année, c'est que des 2 et des 8. Des 2. Des 2 et des 8. 22 août 2022, la sortie de l'album, ça va ? Non, 22 août 2022, c'est Tempo qui est sorti. 22 février 2022, parce que 2... Attends. Ouais, t'es vachement dans la numérologie. 2-2, hein. C'était 22 février 2022. C'était rare d'avoir c'est ça. C'est important pour toi, la numérologie. Dans oui, oui, c'est la matrice. Tout est mathématique, n'est-ce pas? C'est ça. Tout est mathématique, tout est dans la science. Et les réponses sont dans les maths, c'est vrai. Hein. Ouais, bah oui, c'est-à-dire qu'on voit plein de choses qui naturellement existe et après on essaie de trouver la formule qui permet d'obtenir la chose. Mais tu prends la table des matières avec l'hydrogène, le carbone, etc. Tu vas voir comment c'est foutu, c'est tellement logique. Ouais, en fait, le premier c'est l'hydrogène, ou je veux pas dire de conneries, mais c'est dans une logique de création par rapport à la planète. Et là, tu mets les chiffres et là, tu mets les religions autour parce qu'il y a beaucoup de chiffres dans les religions, etc. Quand tu fais le lien de tout ça, en fait, c'est beaucoup plus clair. Ouais, mais bon, faut chercher. Hein. Faut chercher. C'est un escape game. C'est pour ça qu'avec Yav, il y aura toujours de la création parce que c'est y a une densité. Tu vois, scientifique, ça fuse dans sa tête. Et c'est dingue parce que c'est tellement développé, tu vois, illuminé derrière, et elle t'envoie des sons qui sont très accessibles. Et il y a 2-3 quenelles dans le son, faut le dire, hein, faut bien les capter. Mais je trouve que c'est génial, tu vois. Enfin, c'est anachronisme entre cette complexité de la philosophie et cette simplicité dans l'œuvre qu'elle propose. Et qui pourrait plaire au plus grand nombre, j'en suis certain. Ça rend plus accessible justement à la plus de personnes possible. C'est cool. D'autres choses à dire dans les projets justement, les concerts, prochains concerts. Alors prochain concert, c'est au Dropkick. Je l'avais tout à l'heure devant les yeux. C'est le 18 novembre 2022. Donc à savoir que c'est un univers assez rock metal au Dropkick. C'est sur Paris ? Non, c'est Orléans, en plein centre. Oh, c'est beau. Ouais, ils ont une salle de concert en dessous, en fait. Les gens n'ont pas d'excuses. C'est au Châtelet, c'est en plein centre-ville. Voilà, c'est au Châtelet, ouais. Tout donc à fait. En fait, ce que j'organise, c'est pas un concert d'Yavana, c'est un concert libre, c'est-à-dire que j'ai proposé à plusieurs artistes de venir parce que je trouve ça nul de faire ça toute seule. Du coup, on va être sur scène, il y aura LG News. Il y a d'autres personnes, mais c'est pas encore validé, donc je mets pas la liste pour l'instant. Mais LG News, c'est un super rappeur parisien que j'ai rencontré quand je suis partie faire des concerts sur Paris aussi. Donc voilà, c'est en cours de... Ça va être un vrai spectacle avec des écrans, avec des lumières, c'est un vrai truc. Donc c'est en cours de construction, mais sincèrement, venez voir, ça sera pas cher en plus et le but, c'est de faire avancer le projet de chacun. Ils ont une salle de concert en souterrain, tu dis ? Tout à fait. Ouais. Sérieux ? En dessous du parking ? Non, en dessous de leur bar. Au niveau du parking, ouais. C'est-à-dire que il y a même des sorties de secours qui donnent sur les parkings. Hein, voilà. Et elle est super acoustique. Le 18 novembre. Ouais, 18 novembre 2022. 18 novembre, voilà. Voilà, ça sera le dernier concert de l'année, mais il y a d'autres concerts qui doivent arriver parce que j'ai des associations qui m'appellent. Comme Femme de Challenge. Femme de Challenge, c'est une dame que j'ai rencontrée à Epilepsie France. Et elle a monté une association pour toutes les femmes qui ont des difficultés, des moments difficiles, pour dire que c'est des challenges de vie et qu'on est là quand même, on peut se relever. Donc elle aime bien mon exemple de vie. Donc normalement, je devrais chanter aussi pour cette association-là. Epilepsie France, il y aura d'autres opportunités. Après il y a d'autres groupes, d'autres associations, mais comme je dis, j'ai pas les listes devant les yeux et tant que rien n'est fait, moi je préfère pas parler. Donc voilà, l'année prochaine il y a plein de projets, mais c'est pareil, c'est un petit peu secret pour l'instant. Là mon objectif c'est déjà de sortir l'album Orientation qui a maintenant plus de 20 titres, hein, donc ça va être comme un petit frère de Retour à l'Essentiel, je pense, et puis de propager ça un petit peu. Surtout de faire encore 2-3 clips, parce que j'ai du nouveau matos et j'ai envie de le tester. Et puis faire le clip de Youss aussi, m'a fait écouter un son. Voilà, oh là, vous n'êtes pas prêts. Ouais, je vous jure. C'est toujours moi, j'ai une petite actu aussi. Moi, je vais me produire au Mar 3 la dimanche à 13h au Forum des associations. D'accord. Je participe à une association qui s'appelle La Boîte Noire. J'ai un ami qui revient du Kenya avec une grosse expérience humaine et hyper enrichissante sur la francophonie et qui revient un petit peu faire ses gammes sur Orléans. Donc c'est quelqu'un qui est né à Orléans et qui revient sur Orléans. Donc il amène un élan hyper intéressant. Moi, je suis en train de répéter des morceaux. Et puis, je vous donne rendez-vous au Mar 3 à 13h. Ce dimanche-là. Ce dimanche. Voilà. D'accord, très bien. Il y a un petit rebond après vers 14h30 rue Royale où il y a une deuxième scène qui se cache, enfin, comme un train peut en cacher un autre, une scène peut en cacher une autre. Une heure après, vers rue Royale, on nous retrouve aussi, on rebondit pour le même set de 4-5 morceaux, histoire de partager un petit peu de la chanson française avec les gens. Moi, je reprends une chanson de Brassens, une chanson d'Aznavour, que j'ai remodifiée. Voilà, la petite surprise, c'est comme ils disent. Tu vois, j'habite seul avec maman. Ah ouais, très belle chanson. Dans ouais. un très vieil appartement. Tu vois, oui, avec un sujet qui génère oui, un petit peu. Mais je modifie. Justement, je modifie. D'accord. Ah, donc parce que c'est une chanson sur les homos et justement, ouais. je la modifie. Et c'est ça qui est intéressant. C'est, je me l'approprie d'une autre manière. D'accord. Très bien. Et donc, sur une musique à moi. Donc voilà, je suis là pour partager aussi un morceau qui s'appelait Méditerranée que tu avais passé aussi. Ah oui, ouais, c'est la chanson. La chanson avec laquelle je t'ai découvert, c'est Didier qui m'avait amené le fichier, il m'a dit écoute ça, tu vas rester sans voix. Et on l'a écouté, on dit waouh, Méditerranée. Ah ouais, non, franchement, c'est vrai que on était tous unanimes et puis on avait envie de te rencontrer. Et c'est comme ça que petit à petit on t'a rencontré. Tu es déjà venu plusieurs fois. Ouais, je me réconcilie avec la chanson. Quand tu veux, tu reviens dans l'émission. En dehors du fait que j'ai fait des projets très rap, etc., ce qui n'est pas du tout. Les ressentis que j'ai artistiquement, je me réconcilie avec la chanson française vraiment parce que j'adore ça. Là, voilà, je peux jouer de la vielle, du violon, de la flûte, etc. avec mes plugins, c'est ce que c'est, Yavana. Donc je Express Studio en force. Je m'exprime pleinement, donc je peux envoyer d'autres contenus et là, je suis à fond de chanson française. Vu que tu parles d'instruments, c'est pareil, je commence à avoir un batteur autour de moi, une guitariste, une pianiste. Peut-être que dans les projets futurs, Yavana sera plus toute seule sur scène. D'accord. Je vais peut-être trouver des vrais musiciens. Ouais, des vrais musiciens qui reprennent mes titres. Il faut que je trouve. J'avais trouvé un guitariste, mais pas assez sérieux. C'est du boulot. Ouais, non, mais voilà, il me faut vraiment des gens sérieux autour de moi pour monter ça et puis éventuellement être en résidence dans la salle de spectacle. Il y a plein de projets. Moi, je voudrais aussi beaucoup bosser pour les autres parce que j'ai acquis une certaine expérience en vidéo, en prod et tout ça. Et je voudrais donner ça à d'autres artistes. Créer des clips, par exemple, pour d'autres musiciens qui pourraient te demander. Ouais, tout à fait. Ouais. Dans tous les styles ou tous les styles. Tous les styles, c'est-à-dire que voilà. Si... J'ai même fait des mariages récemment, donc en vidéo, je peux vraiment. Je peux taper un peu partout. D'accord. Pas de souci. C'est bien à savoir, ça, parce qu'il y a des fois des gens qui peuvent nous écouter. On sait qu'il y a beaucoup d'artistes de la région qui nous écoutent et qui veulent faire un petit clip, mais ils connaissent pas de personne. Donc, à la limite, ils peuvent rentrer en contact avec toi. C'est et puis. Bosseuse. Bah oui. Trois heures sur 10 secondes. J'ai un studio fond noir, j'ai plein d'éléments à. Voilà. Si vous avez une idée de scénario, parce que par contre, je crée pas les scénarios. Mais n'hésitez pas à me contacter. Si vous voulez tourner vos propres images et m'envoyer pour que je fasse un montage aussi, je peux le faire. Voilà, je peux tout faire. J'ai envie de travailler pour d'autres artistes pour voir un petit peu l'énergie où elle se situe ailleurs. Parce que Yavana, c'est bon. Vous la voyez peut-être pas souvent, mais moi, je la vois tout le temps. On dirait une dissociation. Dans la glace, le matin. C'est bon, moi je la vois passer partout. Ouais. Sincèrement, je trouve si que j'ai réalisé vois, mes rêves. Si tu la vois, Yavana, tu lui dis qu'on l'aime. Parce que franchement, one love. Quoi. Ouais, tu lui diras. Elle t'écoute de toute façon, t'inquiète. Tu lui passeras le bonjour de ma part. Ouais, ça marche. Mais voilà. Voilà. Pour les événements, on a fait un peu tout le tour ou Il y a sûrement des choses que j'oublie parce que je suis dorée. Moi, je suis le poisson rouge d'Orléans. Donc, voilà. La mémoire courte. À voir après sur les réseaux sociaux. Oui, si après, vous on peut te suivre, sur Facebook. Ouais. Quels autres réseaux tu as, toi? Il y a mon site internet, Yavana officiel, beaucoup YouTube. Je suis pas très réseaux sociaux, Instagram et tout. Franchement, sincèrement, j'ai pas le temps de mettre à jour tout ça. Alors oui, je balance 2-3 trucs, mais Mais bon, ça permet aussi aux gens de te contacter. Et puis après, oui, pour me suivre vraiment, si vous voulez, c'est la page Facebook. La page. C'est là où j'ai. Puis moi, je suis de l'ancienne école. Hein. Facebook, je l'ai vu naître. Maintenant, les TikTok, les machins, j'ai pas le temps. Franchement, j'ai pas le temps. C'est vrai que la nouvelle génération, maintenant, ils utilisent Facebook, c'est dépassé. Ah bah oui. Mais en attendant, pour l'instant, c'est encore là où on touche le plus de personnes. Hein. Il faut le savoir. Hein. Les autres n'ont pas encore. Bon, après, bah, c'est évident, sûr que quand on arrive à tout faire en même temps, c'est encore mieux. Tu mets un TikTok, tu vas avoir 30 000 vues, hein, facile. Ouais. Tu vois. Mais c'est pas les mêmes algorithmes, c'est pas des vues, c'est pas des trucs. Facebook, si tu arrives à faire une vue, c'est comme YouTube. Ça veut dire que la personne a passé plus de 30 secondes déjà sur ton truc. Voilà, c'est différent. Ouais, donc, c'est différent. Puis bon, je cherche pas forcément à être écouté, mais essayez, allez voir. De toute façon, faut être curieux. C'est vrai qu'on a beaucoup de contenu à disposition. Mais il faut être curieux. Il faut prendre le temps d'écouter aussi. Tu vois, s'il y a un truc que j'ai pas parlé, je suis devenue modératrice du groupe TPM en France. C'est un des plus gros groupes de partage d'artistes, vidéo. Mmh. Et du coup, un jour, j'ai fait un post. Bon, il y a eu plus de 200 artistes qui sont présentés, mais j'ai écouté, je crois, les 50 premiers, quelque chose comme ça. Mais waouh ! Mais il faut être curieux, en fait. Waouh ! Je me suis pris des claques, hein, vraiment. Ah bah oui, il y en a des très bons. Mais c'est pas une question. Ouais, c'est. Oh là là, ouais, vraiment, il faut être curieux. Il faut être curieux. C'est clair. Puis il ne faut pas être trop égoïste aussi. On devient de plus en plus égoïste, on pense qu'à soi, à sa famille ou quoi que ce soit. Essayez d'être plus large sur vos bandes. Ouais, puis le fait, je pense que de pouvoir avoir. Moi, je me suis réconcilié avec des festivals et je suis un peu sorti de chez moi. C'est vrai qu'on était tous un peu dans notre grotte hein, ces derniers temps. Ça fait du bien de pouvoir aller voir des concerts. Voilà, une Nirvana qui se produit le 18 novembre 2022. Faut se déplacer, faut y aller parce qu'il va y avoir un plateau magnifique. Il y aura de la voice. Il y aura beaucoup d'artistes magnifiques, ça c'est sûr. Il y aura de la voice, il y aura des belles musiques, il y aura de la vibration, des émotions. Et c'est ça qu'on va chercher quand on sort de notre grotte, de chez nous, quoi. Tu vois, c'est de vibrer, de se sentir vivre, vraiment. C'est tellement important, on est tellement rien, tu vois, quand on est comme dans Mon ami la rose, hein, on est peu de choses, tu vois, en fait. Donc, il est à fond en ce moment. Non, mais c'est vrai. Mais c'est bien des petits jeunes qui reprennent comme c'est... ça. Ah ouais, non, mais François on dit Hardy, petits jeunes parce que t'es dans ma génération. François Hardy, je t'aime, tu vois, si tu m'entends, je t'aime, quoi, c'est tellement énorme, c'est, on est très peu de choses, et mon ami la rose est morte ce matin. Mais ça, c'est magnifique, ça. Magnifique, ouais. Très belle chanson, et puis je me souviens aussi des clips de l'époque. C'était une très belle femme et avec une. Bah, viens, on fait un clip à l'ancienne. Très grande. Tu enregistres un truc comme ça, grande et on fait classe. Un truc et... en noir et blanc. Avec ouais, ça, un peu voilà. En otage à la radio et tout. Allez. Comment tu veux que je refuse un truc pareil? Bah, non, oui. Allez, hop, c'est lancé, le pari est pris. Non, vous reviendrez ici pour la sortie de. Mais oui, mais vidéo. Voilà. Faut... Je t'ai dit, là, je l'ai enregistré aujourd'hui à la maison, tu vois. C'est une à enregistrer, c'est une performance de malade parce que c'est tellement précis dans les accords, dans la justesse des choses que c'est un travail de, tu vois, d'orfèvre, tu vois, sur une œuvre comme ça. Je l'ai tellement en respect que j'ai passé énormément de temps à essayer de la rentrer, tu vois. Bon, là, je suis à peu près satisfait, évidemment. C'est pas, il y a Slimane qui l'a repris, il a tout déchiré, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, c'est mon petit kiff à moi, voilà. J'ai repris évidemment Kenji, tu vois là. Évidemment, allez. Ah oui, évidemment. On pleure un t'as peu. Ça, t'as Ardisson, s'aimer. Ardisson, il est où là? Où est-ce qu'on est là? On se réunit, c'est quand? Ah, mais elle est dure à chanter le et évidemment pour tenir évidemment. La petite note là. Mais oui, mais évidemment. Évidemment. Bah oui. Voilà. Mais merci Autotune, tu m'as appris à chanter pendant 6 ans, c'est cool. Non, mais c'est vrai parce que non, moi j'étais rappeuse à la base, je chantais pas. T'as pas besoin de ça. Ah, mais parce que tu t'as pas connu il y a 6 ans, faut écouter les premiers textes, je peux te dire c'est que c'était faux. Ah, tu progresses. Bon, en tout cas, les gars, il est 22h22. Ouais. 22h22. Voilà. Ouais, je l'ai chopé. C'est bon, on a dépassé un petit peu. Synchronicité d'ailleurs, de ouf. Justement, on parlait des événements et des choses comme ça. Donc, si vous voulez voir l'équipe de Radio Arc-en-Ciel, elle sera demain à la passerelle, donc pour le forum des associations, puisque c'est une association de Florey-les-Aubrais. Floride. Ah, Floride, personne m'a invité, moi. Ouais, donc à la passerelle, il y aura notre ami Manuel qui préparait tout à l'heure le matériel là, pendant son émission. Donc il sera là-bas et puis j'invite tous les auditeurs à aller voir l'équipe de Radio Arc-en-Ciel qui sera présente, hein, et à tous les animateurs aussi de faire un petit passage là-bas pour rencontrer justement les personnes à Floride. Voilà, la passerelle. Je voulais aussi remercier les gens qui nous ont écoutés, les gens qui ont mis des petits mots, des petits j'aime, des choses toutes simples, hein, mais qui nous font, Irène, qui nous font vibrer. Irène, si Irène aussi, si elle nous écoute. Bisous à Irène, c'est parce la, que la plus Irène, elle nous écoute. Alors, je sais pas si elle va pouvoir nous faire un petit signal. Voilà. Irène, on te fait un gros bisou. Ça nous fait toujours plaisir de savoir que tu es là. C'est elle qui appelle, oui. Voilà. Irène, on la remercie tout le temps et je sais qu'elle est toujours à l'écoute. Ouais. Et elle écoute tous les artistes d'Orléans. Elle doit en connaître des artistes d'Orléans. Irène, faudrait qu'on fasse une émission, justement, où tu nous parles d'un petit peu de tout ça. Ceux qui t'ont marqué et tout ça, ça serait intéressant. Ouais, ouais, c'est vrai que ça serait bien. Ouais, non, mais on invitait vraiment exceptionnel, quoi. C'est. Ouais. Elle est tout le temps en train de poster, on envoyait des loges. Elle est déjà venue une fois et on espère bien qu'elle reviendra une autre fois. Bah oui, voilà, oui, on va essayer d'organiser ça. Ah bah j'ai loupé l'émission où elle est passée. Je suis dégoûté. Voilà, il y a une photo dans le couloir, on peut voir, on était assez nombreux et il y a Irène qui était là. Elle était venue nous rendre une petite visite. Et bah, gros bisous Irène. Bien plaisir, on est passé de la chercher, elle est venue au studio et tout ça. On a besoin de gens comme toi. On va remercier aussi Florent qui enregistre, qui fait les podcasts. Donc, c'est-à-dire que l'émission, là, on l'a dépassé un petit peu. Il m'a dit, t'inquiète pas, je gère, je continue à enregistrer. Donc, ça nous fait vraiment plaisir de savoir qu'il est là. Moi, à chaque fois, je regarde, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est présent? Apparemment, il a plus de disques durs que vous, les gars. Ah, il enregistre. Hein, elle en a 17. Toi, tu dois en avoir 34 et lui, il doit en avoir 50. Et donc, on lui fait un petit coucou à notre ami Florent parce que c'est vraiment formidable de, quand on a loupé l'émission, on peut la réécouter. Ouais. Et puis, moi-même, je rentre chez moi et souvent, je la télécharge pour pouvoir garder, voilà, je garde ça. Là, et quand il y a des lives, bah, j'extrais les lives grâce à notre podcast. Là, il y a tous les morceaux d'Yavanna, c'est une dinguerie. Moi, je vous invite à faire du replay à foison parce que les morceaux sont vraiment. Et donc, le lien, on le partagera sur le Facebook de l'émission Marika. Ah, oui. Et puis, voilà. Ça moi sera aussi, je le partagerai à foison. Donc, vous pouvez y aller. Très bien. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, il y a aussi les phrases magiques. Hein, donc à la fin de chaque émission, on dit que le rock and roll soit avec vous. Ah oui. Que Yavanna soit avec vous. On va dire Yavanna ou que la musique en général soit avec vous. Non. Que Yavanna soit Yavanna, avec vous. Yavanna, ouais. Ce soir, c'est Yavanna. C'est moi. Elle est avec Orion. Moi. Que Orion. Que Orion soit avec vous. Que Orion vous oriente. Ah oui, voilà. Bah, voilà. Parce que moi, j'ai choisi mon orientation. Ah, ouais, c'est mon orientation. T'as vu le jeu de mots de ouf. Quand même, la deuxième phrase, elle est en anglais, c'est Everything is gonna be alright. Ah, ça c'est voilà. Bob Marley, ça. Bob Marley. Ah oui, c'est Bob Marley, ça. Par beaucoup de personnes. Tu sais que le président des États-Unis, Franklin Roosevelt, à la fin de chaque discours, disait cette phrase-là. Bah oui, mais il avait même repris le truc de Q-Tip, Yes You Can, Yes We Can. C'était Can I Kick It? Yes we can I kick it? Yes we can. Ça c'était De La Soul, Trial Call Quest à l'époque de La Soul. Et c'est après comment il s'appelle Trump, le... Non le Renoir là, le président Renoir, Obama qui l'a repris. Yes we can, il a repris Yes, Yes we can de Q-Tip. Ah, comme quoi la musique américaine elle marque beaucoup de choses. Très bien. Donc, non mais c'est vrai. Et, la troisième, c'est une vie sans musique serait une erreur. Ouh. Oh là, il y a une erreur à éviter. Après, c'est de ne pas écouter de musique. Il y avait une phrase de Gainsbourg qui disait qu'une vie sans amour ne vaut d'être vécue. Ouais. Une vie sans musique ne vaut d'être vécue. Je complète la phrase de Gainsbourg. Entre amour et musique. Moi, j'ai pas cette culture, les gars. Je suis désolé, j'en ai rien à sortir. Un grand lien entre les deux. Amour et musique. Amour égale musique. Attends, amour égale musique, ça c'est une belle phrase. Il y a quelque chose. Ça c'est mathématique. C'est mathématique. Eh ben Mel, je t'aime de musique alors, parce que la dernière fois, c'est beau. On savait pas. Plein d'amour. Voilà. Qu'est-ce qu'on demande de plus que de l'amour en vérité? Donnez-nous de l'amour. On vous en renvoie. Donne-moi-en, je t'en donne. Il y avait un enfant qui disait ça. Tu sais, qu'est-ce qui compte le plus? Ben, c'est l'amour. Oui, je me souviens, c'était une publicité où il disait ça, et tout est là. Mais Bob le disait aussi, hein. One love, Bob Marley. Un amour, un cœur. Voilà, on en a cité plein des gens formidables. Allez les gars, moi je dois aller à Bourges. Bon, bah, on arrive à la fin de cette émission, on a dépassé un petit peu, donc on remercie tous les auditeurs et on se donne rendez-vous donc la semaine prochaine ici au même endroit, donc à partir de 19h avec le groupe Celtic Reich. Je sais pas comment ça se dit, ils vont nous dire. Donc si vous aimez la musique celtique, c'est l'occasion de venir découvrir. Et la semaine d'après, Cornemuse et compagnie, on aura Angéline Ham. Nonier, qui était la choriste de Johnny Hallyday et c'est du lourd. De comment ça s'appelle, le Michel Sardou, déjà vu, qui a aussi ses chansons à elle et qui ça a aussi repris. Donc toi. Moi j'aurais plus mais vu non, avec toi. Tes chansons françaises, moi je. Bah tes chansons françaises aussi. Moi je suis chanson des étoiles. Des étoiles. Ouais, c'est une étoile. Et voilà, donc les rendez-vous sont pris pour les deux semaines qui viennent. Donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine à partir de 19h sur Radio Arc-en-Ciel. Étoile, si tu nous écoutes, brille, ne cesse de briller. Brille. Voilà, on va se quitter donc avec le morceau qui a commencé cette émission aussi. Bon, on avait diffusé quelques morceaux avant avec le jingle, tout ça, le temps de se mettre en place. Et on a commencé avec les chansons de Yavanna. C'était le nouveau morceau qui s'appelle Tempo. Voilà, il y en a qui suivent quand même. Pas dans le tempo. Et on avait décidé de terminer cette émission avec cette même chanson. Ah, vas-y, voilà. C'est trop cool. On balance. Allez, gros bisous à tout le monde. À bientôt. Yes. Allez, gros bisous à tout le monde. Et à très bientôt. À tout le monde. Irène, bonne soirée. Jérémy, bisous à toute la communauté, la Ya Family, gros bisous à tous. Ah oui, les dédicaces, t'avais oublié. Hey, big up à tous ceux qui nous connaissent, plein de love, one heart. Ceux qui nous connaissent pas aussi. Exactement. Je cherche une place dans ce monde. J'écris, je cherche qui je suis. Suis-je trop sensible pour être ici? Ou alors juste peut-être que le métronome a déraillé. Tic-tac, tic-tac. J'écris pour me démarquer de ces différences qu'ils sont créées. En voulant trop m'éloigner d'eux, jugement, mépris pour m'isoler. Si le travail est silencieux, j'évite de rester étouffé. Mes textes au refrain muselé ont fait de moi leur prisonnière. J'ai pris le large, car je suis trop à l'étroit. Les trois quarts sont en désaccord, ma musique semble en désaccord. J'ai pas trouvé le manuel, expliquez-moi comment on s'accorde. Moi j'ai pris une direction, choisi mon orientation. On m'a dit faut que tu fasses attention, trop grandes sont tes ambitions. Mais je suis pas dans le tempo, je suis pas dans le tempo. Je suis pas dans le tempo, je suis pas dans le tempo. J'ai pris une autre direction, choisi mon orientation. On m'a dit faut que tu fasses attention, trop grandes sont tes ambitions. Mais je suis pas dans le même tempo, je suis pas dans le même tempo. Je suis pas dans le même tempo, non, je suis pas dans le même tempo. J'ai l'impression de tout comprendre, si je comprends pas j'essaye d'apprendre. Alors d'où vient ce châtiment, ce sentiment d'être incomprise? C'est dans la souffrance que j'apprends, dans le bonheur que je récolte. La vie c'est pas ça quatre temps. Je marche à l'envers, de verre en verre. J'écris l'histoire d'une héroïne qui remplit sa vie d'étoiles filantes pour rester seule. Et puis, c'est peut-être mieux comme ça. Je suis pas sur la même longueur d'onde. Je vois défiler tout ce que j'aime. Avance rapide vers d'autres mondes. J'ai pris le large, car je suis trop à l'étroit. Les trois quarts sont en désaccord. Ma musique semble en désaccord. Je suis pas dans dans le même tempo. Moi j'ai pris une autre direction, choisi mon orientation. On m'a dit faut que tu fasses attention, trop grandes sont tes ambitions. Mais